Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés, animée par Teddy et Fabien. Alors aujourd'hui, pour des gens à souhaiter la bonne année à tous les auditeurs, qui sont fort nombreux d'ailleurs, mais bon, ça peut-être qu'avec le temps, ça s'arrangera. Mais ce qu'on voulait faire, c'est qu'on va parler d'une saga dont on parle très peu dans notre podcast. N'est-ce pas, Teddy? Une saga très confidentielle, ouais, qui n'est pas très connue. Qui était très indépendante, qui a été initiée par un barbu qui s'appelle George, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va parler de la prélogie Star Wars. La postlogie, je me suis déjà planté, c'est pas grave. On est tellement motivé d'en parler qu'on va troller de toute façon et puis on va spoiler à mort, hein, Teddy. Voilà, c'est un podcast exceptionnel. D'habitude, on fait une partie no spoil, une partie spoil. Voilà, on va devoir spoiler parce que c'est la fin c'est la fin d'une saga, quoi. La fin d'une époque. Voilà. C'est la conclusion de 9 épisodes qui ont donc commencé en 77, hein, avec un nouvel espoir, Star Wars. La guerre des étoiles, hein, en cette période. Donc le film est sorti sous le nom La guerre des étoiles. Et c'est quelque chose qui est complètement disparu du jargon du cinéma, hein, La guerre des étoiles. C'est Star Wars maintenant. C'est Star Wars épisode 7, 8, 9 et puis tous les dérivés. Donc 81 c'est l'Empire contre-attaque, 83 c'est le retour du Jedi, et ensuite on a la prélogie à partir de 1999, la menace fantôme, ensuite 2002 l'attaque des clones, et ensuite 2005 la revanche des Sith. Et puis ce qui est arrivé, c'est qu'en 2012 Disney a racheté la licence Star Wars et tout ce qui appartient à Lucasfilm, hein, donc ils ont aussi la licence Indiana Jones, et donc il est déjà prévu un cinquième Indiana Jones avec Harrison Ford, et on expliquera pourquoi on n'est pas du tout pressé de voir Harrison Ford reprendre le fouet et le chapeau, mais sinon dès qu'ils ont acheté la licence, ils ont annoncé tout de suite une nouvelle trilogie. Alors tout le monde s'est emballé, les fans, tout ça. Moi aussi, je dois dire que j'étais assez positif, mais quand on a été voir le Réveil de la Force, hein, c'est l'épisode 7, j'étais plus si emballé que ça. Et puis moi, ce premier épisode de la je suis en train de m'embrouiller avec la postlogie, la prélogie, la postlogie, c'est que j'avais une sensation de soupe réchauffée. Je sais pas si ça produit ce même effet sur toi, Teddy. Moi, quand j'ai été voir la postlogie, donc l'épisode 7, 8, 9, ouais, on va parler d'abord du 7, ouais, moi, j'étais pas aussi impatient que ça d'aller le voir, mais enfin, c'est vrai que ça faisait quand même du bien. On se dit, tiens, c'est vrai, ils vont ressortir un nouveau Star Wars, l'univers est tellement immense là-dedans que qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de frais. Et comme tu le dis, non, c'était une soupe réchauffée, mais sachant que moi, dans le premier, la postlogie, donc le 7, numéro 7, alors c'est un podcast où on va beaucoup s'embrouiller sur les chiffres. Et dans la postlogie, le premier, ouais, j'avais passé un moment correct. J'ai pas dit un super moment, hein, j'ai dit un moment correct. Mais c'est vrai que ça faisait salut les fans, vous vous rappelez de tout ça, quoi. Bah oui, mais on peut dire que c'est une sacrée ressucée de l'épisode 4. D'ailleurs, dans la menace fantôme, il y avait beaucoup de similarités avec l'épisode 4. Hein. On peut pas nier qu'il y avait certaines situations qui étaient à peu près pareilles. Hein, la découverte sur Tatooine, tout ça, le combat final. Et il y a tous ces gimmicks qui reviennent. Et dans l'épisode 7, le problème, c'est qu'on refait ça avec moins de subtilité. On te matraque, je pense notamment à cette scène où il y a Finn qui est dans le faucon, qui découvre tantôt l'appareil où Luke s'entraînait avec, ou le fameux pièce, l'échiquier, tu sais, virtuel. Ouais, l'échiquier où Chewie jouait avec. Et puis il découvre aussi la fameuse cachette, tu sais, dans les trucs du faucon. Cachette de contrebande. Et je trouve que là, déjà, ça montre vraiment que Abraham, c'est un fanboy et qu'ils ont voulu redémarrer. Moi, j'ai cru que dans cet épisode, c'était juste un redémarrage et qu'après, ils allaient apporter un petit peu de neuf, quoi, de trucs. Mais déjà, ça sentait quand même le piège, parce que on te rebalançait des X-Wing, on te rebalançait des TIE Fighter, on te rebalançait des Star Destroyer. Il y avait un simili Vador, on va dire. Il y avait des personnages qui étaient mal écrits. De toute façon, on va revenir sur le trio de tête, moi, que je trouve pas terrible non plus. Ça partait mal pour moi. Enfin, je sais pas si t'as des choses à dire en plus sur cet épisode de Sinistre Mémoire, on va dire. Mais pour revenir sur ce qu'on a pensé, moi, je vous conseille d'aller voir plutôt le podcast de l'épisode 7. Enfin, d'aller écouter. On n'est pas en vidéo. On l'a pas fait. Oh, ouais, Donc allez pas le voir si on l'a pas fait. Comme quoi, si on l'a pas fait, c'est que franchement, voilà, c'est un film oubliable. Ça a rebooté une licence, mais comme tu disais, on a l'impression que c'était un reboot, pas une suite logique de Star Wars. C'est vrai que c'est du reboot. Puis du fanboy à mort, hein, puis des facilités scénaristiques. Bah, comme dans tout l'espace, voilà, Harrison Ford y arrive à retrouver son vaisseau. Disons que la rencontre entre les personnages, c'est vraiment beaucoup de coïncidences. Ah oui, c'est très pratique. Rey tombe par hasard sur Finn. Les deux, ils tombent par hasard sur le Faucon. Le Faucon, il tombe par hasard sur Han Solo et sur Chewbacca. Et puis, il tombe par hasard sur Leia ou je sais plus trop. Et puis, on te rebalance l'étoile de la mort numéro 3, quoi. C'est ça, quoi. Bah, c'est ça, hein, le numéro 7, c'est ça. C'est le, oui. Ouais, c'est un nouvel espoir remasterisé. Ça. Oui. voilà quoi pour cet épisode 7. Puis on va arriver au 8 parce que. Alors on va peut-être moins s'étaler parce qu'on a fait un gros podcast qui a duré plus d'une demi-heure où là on a montré qu'on n'était pas du tout content de Rian Johnson qui a fait vraiment un boulot de troll quoi. Ce film c'est un gros lol quoi. Je sais pas pour toi, Teddy, mais. Bah tu le dis exactement, c'est un gros fuck pour les fans. Ouais, ouais. C'est. Putain, voilà. On t'a mis Snow qui au début on te fait monter la sauce, on le désingue. Ouais. L'autre, on t'a fait un simili Dark Vador avec son masque, on lui fait péter son masque. L'autre, les Jedi, c'est héréditaire, on dit non, tu viens de nulle part. Enfin, c'est vraiment, on prend tout ce que t'as fait dans l'épisode 7 et on défonce tout. Et on démonte tout, quoi, parce qu'on a l'impression que déjà, dès le 8, il n'y a pas de cohérence entre les personnes qui écrivent les scénarios. C'est-à-dire que Johnson a démonté tout ce que Abrams avait monté, quoi, en fait, avait préparé pour l'épisode suivant. Et c'est là le gros problème. Et puis bon, les fans ont apprécié le côté, je prends des risques pour. Je fais de Luke un vieux ronchon sur son île, où je détourne un peu les codes des batailles spatiales, qui, entre parenthèses, est quand même d'un chantisme incroyable, cette poursuite spatiale. Ah, je me suis moins fait chier dans 2001, l'Odyssée de l'espace, pour te dire. Ouais, mais 2001, c'est un grand film, mais bon. Ouais, mais enfin, je veux dire, c'est lent, c'est plan-plan, ça traîne. Ouais. Mais au moins, il se passe des. Enfin, t'es investi dans le film. Oui. Là, c'est plan-plan, il se passe rien, ça traîne, et t'en as rien à péter. Bah, que là, encore une fois, on parlait de facilité scénaristique, mais là, c'est ridicule, quoi. Même le plan de la résistance pour s'évader des griffes du premier ordre, qui est quand même une bande de bras cassés, hein, entre nous. Oh, c'est des bidasses, hein. Bah, non, mais bon, ils arrivent pas à rattraper un petit vaisseau de rien, qui est même pas armé en plus, et ils ont quand même une super armada avec plein de vaisseaux. De chasseurs taille, on va dire, et ils arrivent même pas à le désinguer. Il y a quand même un problème. On voit que c'est pour rallonger la sauce. Ouais, enfin, en même temps, ils arriveront jamais à le désinguer. Les stormtroopers savent pas viser. C'est clair. Ils le prouvent encore dans le 9, mais bon. Ah, dans tous les films, ils le prouvent. Mais bon, voilà, quoi. On va pas s'étaler, mais on revient plus en détail sur le podcast qu'on a fait c'était en 2017, la sortie de ce film. C'est déjà loin, hein, pour nous. Et puis, entre deux, on n'a pas trop parlé des spin-offs, hein, parce qu'il y a eu, en 2016, il y a eu un premier spin-off. Donc, Rogue One, je te laisse un petit peu en parler. Parce que... Il était superbe, Rogue One, je suis désolé. Mmh. Ça arrivait à te sortir des codes de Star Wars sans vraiment t'extirper à fond les codes. Mmh. T'avais pas de Jedi, pas de. Voilà, des batailles spatiales, il y en avait pas. Enfin, il y en avait quand même une bien, mais je veux dire, c'était pas le truc principal, c'était vraiment de l'espionnage. T'as des films d'espionnage, films de science-fiction, et ouais, et un peu c'est pratique aussi. Elle retrouve tout le monde aussi, un peu quand elle veut. Et ça sortait du lot, et franchement, c'était plus facile à regarder qu'un Star Wars 8. Hein. Ouais, c'est vrai que le fait de démarquer un petit peu des Jedi et des Sith, ça fait beaucoup dans ce film. Et même si t'as l'Empire, hein, et puis le problème, c'est que la production a pas voulu prendre trop de risques avec ce film, c'est que ils ont mis Vador au dernier moment, quoi. Il fallait des scènes avec Vador, il fallait la scène sur Mustafar dans son château, par exemple, ou la scène finale qui est quand même assez impressionnante. Hein. Alors, la scène finale, elle est carrément. Elle vaut le film à elle toute seule. Hein. Ouais. Alors ça fait quand même coucou les fans, mais, oui. Mais là, c'est bien ce qu'ils ont réussi à faire, un Vador à la fois méga puissant et à la fois tu vois qu'il en chie rien que pour marcher. Quoi. Bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est la scène où on voit Vador vraiment déchaîné par rapport aux autres films, tu vois. Bah, il correspond plus à un Anakin de l'épisode 3. Ouais, c'est ça. Il y a encore dans sa grande jeunesse, on va dire. Il vient d'acquérir ses pouvoirs, et de toute façon Vador n'était pas un personnage principal dans l'épisode 4, hein. C'était un méchant un petit peu d'arrière-plan, hein. Le grand méchant de l'épisode 4, c'est le Moff Tarkin, hein. C'est pas Vador dans le 4, hein. On a tendance à l'oublier, hein. Vador, il est vraiment devenu le grand vilain qu'à partir de l'épisode 5, hein. Et c'était peut-être un petit peu la volonté de Lucas de faire quand même dans une certaine vision, de dire ah, regardez, lui il est un peu sous-fifre, mais c'est quand même quelqu'un de puissant, tu vois, parce qu'il arrive à étrangler les gens et tout. Mais ouais, Rogue One, moi aussi j'ai beaucoup apprécié le style un peu de Gareth Edwards, je sais plus le nom du réalisateur, mais bon, c'est vrai que le style avec l'espèce de bataille qui est sur la planète tropicale, là, tu sais, ouais, à la fin, là c'est une vraie bataille spatiale, oui. Pour ça je te dis, il y avait moins de batailles spatiales, mais en fait non, parce que là c'est vraiment voilà, puis avec le général Akbar qui prend des décisions et qui arrive à trouver des solutions, là c'était un peu plus réfléchi dans le scénario, on n'y arrive pas. C'est pas un Deus Ex Machina à la fin, quoi. C'est ils y vont, ils foncent dans le tas, et ils foncent dans de l'espace dans la station, et puis voilà, quoi. C'est ouais, ça, puis ça défait les trucs de la planète. T'as un beau personnage féminin principal, là. T'as Felicity Jones qui joue Jyn Erso. J'ai trouvé que c'était un beau personnage, qui était bien. Bon, de toute façon, est-ce que c'est un spoiler de dire qu'ils meurent tous à la fin? Pas vraiment. Ah non, enfin, c'est. Enfin, on va considérer que vous les avez vus, parce que sinon, ça va être compliqué. Moi, j'ai trouvé cette scène où tout explose assez émouvante, finalement. Quand ils meurent tous les deux sur la plage, bon, ils savent que, de toute façon, c'était une mission sans retour et que quelque part, il y a quelque chose qui prend aux tripes. Et voilà, quoi, t'as des beaux personnages, et puis t'as le. Ils vont d'ailleurs reprendre le personnage de Diego Luna, là, qui joue Cassian Andor, son équivalent à moustache, là, qui est quand même une espèce de mercenaire, de rebelle, mais qui hésite pas à tuer, hein, pour sauvegarder son intégrité quelque part. Je sais pas si tu te souviens de cette scène où il doit tuer un informateur parce que sinon ouais, qui est en train de péter les plombs, menacé, ouais, donc et puis, il y a un côté un peu dark de la rébellion dans ce film là c'est ça, que il y a tous ces petits éléments qui font que le film est assez réussi, que ce soit sur le plan scénaristique, sur le plan des personnages, parce que l'interprétation est quand même de haute volée pour moi, et aussi le rythme et le spectacle qui est garanti, quoi. Tu passes d'une planète, mais c'est pas téléphoné, quoi, pour moi. Et puis contrairement à Star Wars 8, t'as pas de temps mort non plus. Non, c'est sûr. Il y a des petits temps morts, mais tu te fais pas chier comme dans Star Wars 8. Non, c'est sûr. Voilà, ça fait redescendre un peu pour remonter. Et franchement, c'est bien tourné. Mais comme tu dis, ouais, le directeur casting, il est bien fait aussi, quoi. Les acteurs, t'y crois à fond. Ouais, ils sont solides, quoi. Je pense que c'est peut-être le film Star Wars depuis la reprise de Disney qui a le moins de fanservice. C'est-à-dire que tu t'amuses pas à dire « Ah, ça c'est relié à l'épisode 4, ça c'est relié à l'épisode... » Bon, t'as la présence du Moff Tarkin en numérique, ils l'ont créé en numérique. Ouais, puis un sacré fan service sur la scène de Vador, ouais, aussi. La scène de Leia, on va dire, qui t'en est très mal foutu d'ailleurs, mais bon. Ah ouais, là, c'est pas c'était moins bien réalisé que Carville et sa moustache, mais... mais quand même, quoi. Carville et sa moustache. Voilà, quoi, petite pique vers enfer d'ici, là. Mais bon. Moi, Carville, moi, je l'aime bien en Superman. Mais ça dépend dans quel film. Voilà, quoi, pour Rogue One. Et puis après, on a eu le deuxième spin-off, là, en 2018. Alors, ce spin-off, c'est sur Solo. Globalement, on a apprécié le film. Par contre, il y a un matraquage de fanservice là-dedans. Ah, bah oui, il y a un matraquage, quand il reçoit son pistolet, avec le gros plan sur le pistolet, les 12 parsecs au lieu de je sais plus combien, quand il rencontre Chewie. Aussi, quand il s'appelle Han, mais il n'y a pas de nom de famille, donc on lui dit tu seras Han Solo. Ouais, parce que c'est pas un trooper, mais un gardien. C'est un peu enfoncé à la coup de pelle, quoi. Toutes les références là-dedans, je trouve. Ouais, on raccroche les wagons à coup de pelle, mais. Puis on te colle un Dark Maul à un moment, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, à la fin, ou alors l'osso, ouais. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, quoi. C'était très utile, quoi. Par contre, il y a un scénario qui est assez plaisant, je veux dire, ça suit pas mal. J'ai l'impression de regarder un James Bond, moi. Ouais, beaucoup de rythme dans ce film. Ouais. Il y a une belle poursuite dans l'espèce de nébuleuse, là, avec la grosse bête. Au niveau recherche, visuel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, franchement, c'était nickel. C'était vraiment bien mal fait. Avec la bête Lovecraftienne. Ouais, tout à fait. Très Lovecraftienne qui sort d'espèces d'ouragan, de nébuleuse. On sait pas quoi. Bon, qui rappelle un petit peu peut-être cette bestiole qui sortait d'un astéroïde. Ouais, dans le 5. Le gros ver de terre. Enfin, le ver d'astéroïde. C'est un rappel, mais c'est vraiment spectaculaire. Hein, quand tu regardes sur le grand écran, il y a quand même de la tension et tout. Même s'il y a un peu de facilité, là, hein, il arrive à se barrer facilement quand même. Il n'y a pas trop de dégâts, on va dire. Même s'il arrive, c'est une vieille. Paf, quand il revient sur la planète, là. On se demande comment il a réussi à réparer le faucon après, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, parce que, mon Dieu. Et puis, t'as aussi une belle galerie de personnages. Alors, Alden, je vais essayer de dire son nom, le mec. Alden Ehrenreich, qui remplace. T'as vu, j'ai réussi à le faire. qui remplace Han Solo, moi, je le trouve très bien dans le rôle. Je trouve que il se démarque pas trop d'Harrison Ford. Ce que j'avais dit à l'époque, c'était pas un copier-coller à Harrison Ford, non. Tu vois. Il avait apporté un peu sa touche. Ouais. Et c'était quand même appréciable. Bah, c'est le Solo plus sensible, on va dire. Ouais, plus parce sensible. Qu'il y a cette histoire de romance avec qui a encore des trucs à apprendre, tu vois. Ouais. Alors, c'est pas encore le mercenaire de l'espace qu'on connaît. C'est le mec qui est maladroit, quoi. C'est un pilote, mais il est quand même maladroit, quoi. Ouais, ça reste encore un petit jeune, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est les prémices, quoi. Mais il y a aussi cette romance là avec Emilia Clarke qui joue dans Game of Thrones d'ailleurs. Je sais plus le nom de son personnage. Je retiens pas tous les personnages, mais c'était un beau personnage féminin aussi, j'ai trouvé ça. Tu vois, bon, elle est ambiguë, on sait pas ce qu'elle pense, et puis finalement, elle bute le elle bute son supérieur. Ouais, son supérieur quoi, qui est il y a ce côté un peu mercenaire côté je te dis ça me fait penser aussi, à James Bond quoi, ouais, c'est ça. Faut tout le monde a un double visage, il y en a tu les vois arriver gros comme une maison comme ceux qui forment Han Solo au piratage quoi. Ouais, tu vois style Woody Harrelson, tu sais ce que cet acteur là qui joue je sais plus quel personnage. Ouais, tu les vois arriver. Ah oui, de très loin tu les vois arriver, ouais. Par contre, il y en a tu vois arriver un petit peu moins, enfin tu les vois arriver quand même mais moins, c'est moins téléphoné. Ouais, c'était pas mal, franchement, c'était frais. Puis c'était divertissant quoi. Disons qu'on s'était pris une grosse claque avec une grosse claque plutôt négative pour Star Wars 8. Ah ouais. Et puis Solo, ça nous a un petit peu redonné un espoir en la licence quoi. Ouais, c'était un nouvel espoir pour la licence. Solo, un nouvel espoir, voilà quoi. Donc le film réalisé par Ron Howard qui a subi pas mal de réécriture et de machin parce que les réalisateurs précédents qui étaient Miller et je sais plus qui les réalisateurs de films d'animation, ils ont été virés. Donc il y a eu plein de problèmes hein, pendant ces 4 années de production de Star Wars. Il y a des producteurs qui se sont fait virer, il y a des réalisateurs qui se sont fait virer, il y a eu des problèmes de réécriture de scénario parce que ça plaisait pas à Disney, et puis il a fallu un petit peu tout rallonger. C'est la prélogie qui a plus morflé finalement hein. Puis là on le voit parce qu'on va passer directement à la problématique de l'ascension de Skywalker. Alors j'ai envie de te donner un petit peu le bâton de Palpatine pour battre le fer. Alors t'as été voir ce film, t'es sorti de là, quel a été ton sentiment prédominant, on va dire? Oh, moi je trouve que c'est le meilleur film de toute la saga hein. Ah, sans celui-là, Star Wars, non je déconne, c'est de la merde. Je pense qu'il y en a une paire qui ont dû y croire. Non, je me suis moins fait chier que dans le 8, hein. C'était plus de spectacle, mais ça faisait un peu... Le 8 n'a jamais existé quand tu sortais de là, tu vois. Ouais. Il y a eu Star Wars 7 et Star Wars 9, il n'y a pas de 8. Ça fait un peu penser à ça, ce film. C'est-à-dire qu'il était parti dans sa direction et celui qui avait écrit le 8, il avait fait que de la merde. Et l'autre, il s'est dit, oh, c'est rien, ça n'a jamais existé. Alors du coup, il te ressort tous les vieux trucs des placards, il dit, qu'est-ce qui reste sous le tapis? Bah tiens, il reste ça, vas-y, on va le mettre. Ouais, alors je suis tout à fait de ton avis, hein, y a pas de problème. Par contre, moi, je le trouve aussi mauvais que le 8, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que c'est même pas de la soupe réchauffée, c'est... je sais pas, c'est vraiment écrit avec le cul, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Bah, tu vois, Star Wars 7, c'était un nouvel espoir. Ouais. Star Wars 8, c'était rien du tout, tu vois, y a pas de c'était rapport... C'était le troll de l'espace, quoi, on va dire. Le troll de l'espace, et ouais. Là, Star Wars 9, c'est le retour du Jedi. Je suis désolé, c'est ça. Ouais, c'est le retour du Jedi, ouais, on va dire ça, mais bon... Je sais pas si t'as noté le caméo de Wicket à la fin... Si, oui, moi, j'ai vu. Ouais. Je me suis dit, je vais dire pour troller, je vais dire j'étais, il y a le seul truc que j'étais content, c'est de revoir Wicked quoi. Bon, le seul truc que j'étais content, c'est que ça se finisse enfin. C'est vrai, c'est le problème de ce film, c'est que et puis ça commence dès le défilant. Hein. Les morts parlent, lol. Moi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que parce qu'on est peut-être vieux ou je sais pas quoi, ou c'est plus de notre génération ou je sais pas quoi, mais j'étais avec ma fille, elle s'est fait des pun face devant tout le film quoi. Elle s'emmerde quoi. C'est pas qu'elle s'est emmerdée, c'est qu'à un moment elle a fait genre mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi, enfin des trucs qui se passent et tu te dis bon on va spoiler après, c'est pas grave. Et encore, ta fille elle est jeune, elle est pas fan de Star Wars. Et elle est pas fan de Star Wars. Donc elle a vu quand même les incohérences du film. Voilà, et elle a vu les incohérences du film, elle a pas vu le 8, elle a vu les incohérences du film et à un moment elle se demandait quand il y en a qui rentrent dans certains lieux, elle se dit pourquoi ils vont là quoi, enfin c'est voilà, c'est débile. C'est le problème, c'est que tu passes d'une étape à l'autre et t'as pas de transition. Non, puis tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi déjà, vous êtes là. Ouais, déjà si on prend on va pas reprendre scène par scène, mais on va quand même un peu polémiquer sur certaines scènes qui sont vraiment ridicules. Enfin, j'ai l'impression que tout le film est ridicule, mais bon, mais ça n'en cache que moi. T'arrives déjà, t'as Kylo Ren qui est sur une planète rouge, on te dit c'est Mustafar, la planète où il y a le château de Vador, on te dit ouais mais Mustafar c'est une planète volcanique, donc déjà la base. Et là je dirais ouais, donc la végétation l'a repoussée parce que c'est des arbres et tout ça, donc voilà quoi. Mais déjà les arbres je vois pas comment ils peuvent repousser sur une planète volcanique. Déjà, on sait qu'une planète volcanique, c'est quand même, il y a beaucoup de fumée qui couvre le ciel. On sait bien qu'une plante, elle peut pas vivre sans lumière ou sans. Enfin, ça c'est un côté botanique. On va me dire, tu cherches la petite bête. Déjà, dans cette première scène, qui est quand même ridicule. Après, il va voir l'ami Palpatine, et là, on va en parler de Palpatine, mais on va en parler en dernier parce que c'est vraiment le gros problème du film. Il va sur cette planète qui fait noir tout le temps. Limite, tu vois rien, tu vois pas ce qui se passe. Après, t'as Poe qui fait des valdingues avec le Faucon Millenium. D'ailleurs, le Faucon, il résiste bien au son spatial. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, ouais, mais... Il résiste bien à tout. Il fait boum, boum, boum. Dans Solo, il se faisait plus dézinguer, le Faucon. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, il y a une manque de cohérence aussi. Puis après, bon, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que il y a cette poursuite dans le désert, là, avec les Stormtroopers qui volent, là, et puis ils sortent la réplique plusieurs fois. Ah, ça, maintenant, ils volent. Ah, maintenant, ils volent. Ils volent maintenant. LOL. Comment est-ce que j'allais dire? T'as du LOL à chaque fois, quoi, dans cette scène. Puis elle est pas extraordinaire, quoi. T'as t'as déjà vu mieux mille fois quoi, autre part. Puis bon, les autres scènes, c'est des planètes. Puis t'as des personnages qui vraiment réagissent, enfin bêtement quoi. Je pense à cette espèce de chasseur de primes que Poe Dameron connaissait, qu'ils se battent au début. Et puis, comme elle voit que la chasseur de primes, elle voit qu'elle a pas le dessus, elle a dit, oh bah t'es sympa, je vais t'aider. Ouais. Alors qu'à comme deux, c'est pratique. Qu'à deux secondes, elle voulait te tuer, Poe Dameron, tu vois. Elle voulait te tuer. Mais c'est complètement ridicule, quoi. Des trucs comme ça, des réactions comme ça. Et y a certains personnages qui posent problème aussi. On voit que, de toute façon, un personnage tu vas en rigoler ensemble. Mais le Hux, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Mais il a été transparent pendant tous les films, il a servi à rien, quoi. Puis il meurt, mais comme une merde. Ah, il meurt comme une merde. Ouais. C'est pas, t'es d'accord avec moi que Hux... C'est... Ah bah c'était le seul truc satisfaisant du film. Hux qui meurt, comme, qui meurt une merde. Comme une merde. Bon, ça, mais d'où bon, ça vient, cette espèce de trahison débile? Bah ouais, mais à un moment, il trahit, enfin, j'allais dire l'Empire, non, le Nouvel Ordre, parce qu'il est pas content que l'Ordre soit général, quoi. Quoi? C'est tout? Puis, y a, comme tu dis, il y a plein de trucs qui vont pas par rapport avec le 8. Alors, je pensais au personnage de Rose, qui était bien mis en évidence dans le 8, qui est là, qui est limite, allez, t'es une figurante, tu sers plus à rien. Je te dis, c'est tous les personnages importants dans le 8. Ils te refoutent un autre personnage féminin sur les faux, là. Mais tous les personnages importants dans le 8, c'est comme s'ils n'avaient pas eu d'incidence. Le 8 n'a pas eu d'incidence. Non, pas du tout. Ah. Puis, même avec l'histoire avec Luke. D'ailleurs, Luke, je sais pas si les fantômes de force y font régime, mais il y a bien grossi entre les deux films. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a dû beaucoup de popcorn en regardant le 8, à mon avis. Ah, puis ils interagissent tous avec la matière maintenant, les fantômes. Ah, c'est complètement. Hein. Ils soulèvent les vaisseaux, ils foutent le feu aux arbres. Ouais, ils récupèrent des sabres. Et c'est là le gros problème aussi. Le gros problème aussi de ce film, c'est que la force, elle est à géométrie variable. C'est selon le besoin du scénario. Je guéris Kylo Ren parce que j'ai un pouvoir de guérison comme le Christ. Ouais, ça y est, c'est Tsunade maintenant. Flynn. Hop, on guérit le serpent. Ça sert à rien non plus cette scène. Et puis après, on parlera du final après. Hein, parce que quand il guérit le serpent, il y a un moment, ma fille a dit, ah, c'est comme dans Zelda. c'est une stratégie de jeu vidéo. C'est un film qui est fait pour les amateurs de jeux vidéo. Tu tombes quelque part, ça fait, t'avais l'impression d'entendre la musique, quoi. Je guéris le serpent, puis tout d'un coup, t'as une musique, et puis paf, le serpent, il te dégage la sortie. T'as comme c'est pratique, quoi. Ouais, non, mais, et puis, je voudrais revenir aussi, je suis un peu dispersé, parce qu'il y a plein de trucs qui me reviennent, progressivement, je vais dire. Il y a ce problème de la flotte de la résistance. Il me semble quand même qu'à la fin du 8, ils étaient une vingtaine dans un vaisseau. T'arrives dans la base de la résistance, dans la troisième, quatrième scène du film, bah, les mecs, ils sont une centaine, ils ont plein de vaisseaux et tout. Mais d'où que ça vient, toi? D'où que ça sort, ça? Ils ont des vieilles épaves et... Il n'y a aucune explication pour dire, Ouais. Et puis même, à la fin, ils arrivent à rallier toute la galaxie en demandant à Lando de passer un message. Alors là, c'est pathétique, hein. Lando, c'est un personnage que j'aime bien. Mais là, il est vraiment pathétique, hein. Le mec, il est là, il rigole, il fait du lol à chaque fois. Non, je vous aiderai pas. Et au moment où il a dit ça, j'ai dit, bon, bah, lui, on le retrouve à la fin. Voilà. Non mais Lando, il y a des personnages vraiment qui font des n'importe quoi. Je veux dire, j'ai cité Hux, le trio de tête, c'est toujours un problème. Pour moi, il y a un intrus dedans, c'est Boyega. Il est toujours aussi mauvais acteur que dans Pacific Rim, dans les autres films. Mais c'est normal, là, il peut pas être très bien exploité parce que comme il a perdu son robot contre. Ah non, merde, je trompe de film. Ça, c'était Pacific Rim. Non mais il est pas bon cet acteur, il faut arrêter. Bon. Ah, il a fait des beaux dégâts. Il y a Oscar Isaac qui fait Poe Dameron, il est pas extraordinaire non plus. Il y a que des Ridley qui s'en sort à peu près, mais bon, j'ai l'impression que c'est des acteurs qui ont... Et les deux acteurs là que je cite, Ridley et Boyega, ils vont pas avoir de carrière vu qu'on leur donne que des rôles de merde pour l'instant. Maintenant il y a Dan Driver, je trouve qu'il est un peu moins pourri que dans les deux autres, parce qu'il y a ce côté un petit peu rédempteur qui sort un peu de nulle part aussi. Ça. Ouais, c'est trop facile aussi. Ouais. Ça. Là tu tues son père, mais tout va bien quoi. Mais c'est déconvenu. Bien, parlons de la prestation d'Harrison Ford. J'ai vu sa tête, il n'avait pas fini de payer ses impôts, il a dû demander un chèque en plus. Un gros chèque, rien que pour faire, à mon avis, 5 minutes de film, il a dû demander un gros chèque, le mec. Mais bon, mais qu'est-ce qu'il avait besoin de revenir aussi dans ce film, le problème, c'est le rappel constant. On nous dit que dans les autres films, il faut se démarquer de... C'était ça le message, hein, de se démarquer des vieilles icônes et de faire du neuf. Mais en fait, on continue à recycler encore et encore les vieilles icônes. T'as même le caméo d'un personnage que tu connais pas, qui s'appelle Wedge Antilles, qui était un pilote qui a combattu aux côtés de Lando et de Chewbacca dans la bataille d'Endor. C'est un mec avec une moustache. C'est vrai que si t'es pas fan, tu peux non, savoir. Bon, savoir. Et tout, ça mais le mec apparaît deux secondes, tu dis ah ouais, bah c'est ouais, gentillesse. Ouais, mais il faut le savoir quoi. Mais ils te foutent des caméos, mais c'est vraiment pour l'histoire de combler des trucs, parce que c'est vraiment. Mais le fond du truc, c'est que c'est vraiment creux quoi. C'est une suite de scènes d'hommage à la trilogie en permanence, que t'es déjà le 7. Mais là, je trouve que il fait ça, mais tout à l'heure, à coup de pelle, mais moi, c'est à coup de tractopelle, quoi, tu vois, le fan service, à coup de tractopelle pour moi là-dedans. Enfin, je sais pas pour toi, mais bon, est-ce que t'as des commentaires à faire? Parce que. Bah oui. Là, c'est vrai que j'ai pas fini, mais. Que la force, elle fait le café aussi. Je veux dire, ouais, quand bah, il, c'est ça, ouais. Quand il absorbe la vie des autres, d'où t'as déjà vu ça quelque part? Donc, on va arriver à cette scène finale qui pose énormément de problèmes. Quand Palpatine, il absorbe la vie des autres, tu te dis, mais tain, ça vient d'où? Et là, il y a ma fille qui a dit, oh, c'est un détraqueur. J'ai vu d'un, ouais, c'est les scènes d'Harry Potter. Je dis, c'est la scène où le détraqueur mange l'âme des autres. Je dis, c'est la même. Je connais pas Harry Potter, donc, moi, tu vois, cette histoire d'éclair et de d'épée laser et de machin. Oh, si, ça me fait penser éclairs, à Highlander. Il défonce toute une flotte. Ah ouais, alors ça, c'est ridicule. Ça, c'est la pire scène du film, c'est quand il balance des éclairs sur la flotte. Ouais, assis sur son trône. Le mec n'a pas besoin de, n'a pas besoin de vaisseau pour faire. Il a besoin de rien. Il a même pas besoin de la flotte. Je suis désolé. S'il peut détruire une flotte avec ses mains. Il y a besoin des vaisseaux qui sont équipés avec des super canons qui détruisent des planètes. Ouais, et puis quand on va parler de Kylo Ren aussi, qui dit je vais tuer l'empereur. Bah, attends, le mec était handicapé. Devant toi, pas d'armes, pas de force, pas de pouvoir, rien. T'avais qu'à prendre ton sable, lui couper la tronche. C'était fini. Fin, voilà. Film, 2 minutes 30, merci. Ouais. Au revoir mon cul, je me encore une fois, ça aurait pu être fini 5 minutes après, quoi. C'est ça, mais voilà, mais c'est. Et puis, c'est encore une fois, tu te dis, mais pourquoi il fait pas ça? Fait ça plus tôt, un peu comme quand dans l'épisode 8 où il défonce un vaisseau en passant en vitesse lumière. Voilà, tu te dis, pourquoi vous avez pas fait ça il y a 10 minutes? C'est hyper naze, hein. D'ailleurs, et là, tu te dis la même chose. D'ailleurs, ils refont à la fin du film. Je sais pas si tu as vu, mais il y a un destroyer qui est coupé en deux. Il me semble, c'est dans la scène d'Endor ou de. Parce qu'il refait le coup des scènes que Lucas avait ajouté dans l'édition spéciale. Tu sais, les scènes de commémoration. Non, je m'en. On voyait Tatooine, Bespin et Endor. Dans l'épisode 6, ça te rappelle pas. Non. Ça t'époque pas des trucs, mais c'est aussi un rappel à l'édition spéciale, quelque part, cette histoire. Mais ouais, c'est là qu'on voit Wicket d'ailleurs. Mais on voit Bespin, ouais, Bespin, bah, c'est bien beau. On voit quoi, deux secondes. On voit une espèce de. On voit le destroyer qui se casse la gueule. Je dis, bon, comment ils ont réussi à bombarder un destroyer, mais bon. Mais encore une fois, t'as l'étoile noire, mais t'as l'étoile noire qui est. L'armement de l'étoile noire qui est équipé sur les destroyers maintenant. Voilà. C'est nouveau. Ils ont fait une version portative. Ouais, c'est ça. Puis, alors qu'ils auraient pu le faire bien avant. Puis je sais pas. Enfin, je veux dire, et puis le truc, c'est il y a une antenne à détruire. Oh, c'est naze. Ou... Bah, je sais pas, moi, les mecs, attendez, il y a un truc, c'est super important pour quitter la planète. Vous en faites pas qu'une, vous en faites une sur chaque destroyer, puis c'est marre, quoi. Parce que, apparemment, ils sont pas à un milliard près, hein, vu qu'ils ont un budget, je sais même pas d'où ils sortent. Non, mais t'as le vu le nombre de vaisseaux qu'il y a, franchement. Ouais, puis d'où que ça sort, ça je veux dire. Mais ils sortent de l'eau, en plus, hein. Au début, ils sortent de l'eau. Non, de la terre, carrément. Hein. C'est de la terre ou de l'eau ça l'eau. Me fait penser à Zombieland ou un truc dans le genre, tu sais. Les trucs, ils sortent de la terre, tu sais. Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sortaient de la flotte, mais bon, j'ai peut-être mal vu aussi, hein. Ou je m'étais attendu, il est endormi. C'était pas passionnant, on va dire. Je veux dire, il y a des moments où tu te fais tellement quoi, c'est quoi ce bordel, que t'arrives même pas à regarder les détails. T'es consterné pendant tout le film, tu crois que ça va se calmer, mais en fait, quand t'arrives à cette finale qui est vraiment, moi qui m'a rappelé Highlander quelque part, avec j'ai cru que Réel allait dire, il ne peut rester qu'un, tu vois, comme Christophe Lambert. Mais cette scène, elle est hyper polémique, quoi. Et puis, Kylo Ren, il tombe d'un ravin, il est pas mort, quoi. T'as remarqué cette scène-là? Oh, Palpatine, il tombe dans le truc, il est pas mort non plus. Alors ça, c'est le problème, c'est qu'on t'explique pas comment il est revenu, le mec. Ah, mais on s'en bat les couilles, quoi. Il a survécu à une chute dans l'acteur de l'étoile noire. Il a survécu à l'explosion de l'étoile noire. Ça fait un peu, ta gueule, c'est la science, ta gueule, c'est magique. Ta gueule, c'est Star Wars, quoi. Il y a un moment, il dit, mais comment Palpatine est revenu? Et puis là, ils sortent des trucs, ils y croient même pas. Oh, clonage, aide, on sait pas quoi. Bah, tu vois, c'est le problème, c'est que, au moins, il y avait, j'en parlais justement dans un autre podcast, c'est qu'il y avait une bande dessinée qui était sortie il y a un moment, là, dans l'univers étendu, s'appelait Dark Empire, donc l'Empire des Ténèbres. Et dans cette bande BD, on t'expliquait pourquoi Palpatine avait survécu. Qu'en fait, il avait construit un laboratoire de clones sur une autre planète, et que son essence vitale, elle était partie vers. C'est un petit peu capillotracté aussi. Ouais, hein. C'est un dofus, le mec, en fait. Donc le mec, son essence vitale était partie dans un autre clone, et là, t'avais une explication, et déjà, Abrams, là, on voit qu'il s'est pas cassé le cul. C'est-à-dire qu'il a lu Dark Empire, il a repris quelques idées, donc l'idée de la flotte, de cette flotte gigantesque, là, qui était déjà dans le comics. Donc il reprend l'univers étendu, il reprend la trilogie, il fait une espèce de mélange qui est quand même assez indigeste, il faut le dire. puis bon, il y a des personnages qui... t'as ce nouveau général qui est censé remplacer Hux tellement que l'autre est inexpressif et débile. Bah, il dure deux secondes aussi, lui, il se fait éclater. Ouais, puis il y en a un, c'est bien, parce que ça, c'est peut-être lui tu parles, il voit Hux, il dit ils ont réussi à s'enfuir, m'ont tiré dessus, et il là-bas, il dit bon, c'est bon, on a trouvé l'espion. On a trouvé le traître, ouais. Le seul qui a un petit peu de jugeote dans tout l'Empire, tu vois, dans tout le. Non, parce qu'il y a un problème aussi, c'est que Kylo Ren, quand il fait sa réunion, bon, il soulève un mec au plafond, je sais pas si tu te souviens de cette scène complètement débile, il arrive pas à lire dans l'esprit de Hux que l'autre il a trahi. Ouais, bah c'est des trucs les, comme ça. Les Sith, normalement, ils doivent pouvoir lire dans l'esprit des gens. C'est ce qu'ils font en général. Ils manipulent les gens, donc ils peuvent aussi lire dans leur esprit et voir qu'ils sont perturbés. D'ailleurs, il a vu que Hux était perturbé, mais il a pas vu. C'est un peu comme Snoke. C'est un peu comme Snoke qui voit pas que Kylo Ren est perturbé et qu'il veut le buter, quoi, tu vois. Ouais. Problématique de Snoke d'ailleurs, Palpatine revient parce qu'on sait pas quoi mettre comme méchant, alors que je suis sûr qu'Abrams avait peut-être l'intention d'exploiter Snoke sur tous les trois films. Ouais, de façon différente. C'est pas ses intentions, c'est le problème. Comme l'autre, il a tout défoncé, il est obligé de faire. Ah bah, il a tué tout le monde, il a tué tous les espoirs, hein, quasiment. Ah bah, à la fin du 8, moi, t'aurais pas eu de nouvel épisode, c'était bon, quoi, c'était terminé, quoi. Ouais. Parce qu'ils étaient tellement peu, il y a ce problème de rapport de force, encore une fois. Puis encore, quand tu parles de rapport de force, il y a là dans la scène finale où il y a Palpatine et puis des milliers de Sith, là. Ouais. Et il n'y en a pas un qui va aller aider son patron, hein. Quand ils se font écrabouiller par des statues, il y en a pas un qui bronque. C'est nul aussi, ça, les Sith. Alors tu te dis, c'est quoi? C'est des interprétations, c'est des fantômes, c'est des vrais Sith, c'est quoi? Alors, c'est pas, on sait pas bien si c'est des entités, si c'est des gens, des vrais gens ou des... En fait, quand ils balancent les éclairs sur Rey, à la fin, là, tu sais, dans le dernier machin. Ouais. En fait, apparemment, tous les Sith, ils lui ont donné ses pouvoirs. Et à un moment, même, il se régénère. Tu t'en souviens? Ouais, ouais, il se régénère parce qu'il mange la vie de... Ouais, Kylo, ouais, c'est ça. Complètement débile aussi, ça. Bah, c'est un détraqueur. Ouais. Hein. Il se bat contre Rey. Et puis, tout d'un coup, il dit, moi, je suis tous les Jedi. Parce que t'entends plein de voix, tu sais. T'entends toutes les voix d'Anakin, tout ça, tous les ouais. Jedi qu'ils ont... T'as au moins une vingtaine de voix, je crois. Ils avaient pas le budget pour les ramener, en fait. Donc, ils ont fait des doublages. T'as même Jackson et tout dedans. Donc, je suis tous les Jedi. Elle renvoie avec ses sabres, elle renvoie le mec, puis le mec est complètement explosé. Ouais, non, attends, puis le mec, il arrête pas, surtout. Il y a Palpatine, il arrête pas. Hein. Il est en train de se prendre ses propres éclairs, il arrête pas de faire ses éclairs. Il continue. T'as le mec qui est en train de se faire défoncer qu'il se fasse par lui-même, il continue. Il se fasse complètement désintégré, quoi. Ouais, à la Dragon Ball. Puis je sais pas s'il est vraiment mort, quoi, parce que on sait jamais. Hein. Ça dépend, ils en ont besoin pour la suite, ils sont pas morts. Ils vont sortir voir que... Non, mais de toute façon, c'était mal barré, parce que je sais pas si tu te souviens de notre réaction quand on a vu le premier teaser, qu'il rigolait, on voyait la toile noire, puis qu'on voyait rigoler... La première fois qu'on a vu le teaser, ouais. J'ai dit à Fabien, c'est qui rigole? Il me fait, bah, c'est Palpatine. Non, ils vont pas déterrer Palpatine. Je sais pas, moi j'avais reconnu la voix, mais j'étais pas très sûr. Je me suis dit, il va quand même pas aller jusque là. Bah si. Même moi, quand j'ai vu le... Je sais pas si tu l'as su que Boyega a égaré un scénario dans une chambre d'hôtel, non? J'ai su ça, ouais. Non, mais ça fait, donc, le ça mec, fait plutôt coup de com'. Hein. Les mecs, ils ont quand même récupéré le script, puis l'ont revendu sur eBay. Et c'est pour ça que le résumé complet, il y a leaké sur Internet. Ouais. Et moi, j'ai lu le résumé, et c'est exactement ce que tu vois dans le film. Je me suis dit, j'espère que c'est quand même un jet de travail, hein, que c'est un script d'ébauche. Un script d'essai, une ébauche. Et quand j'ai vu le film, j'ai dit, ah putain, c'est pas possible, ça, c'est pas vrai qu'ils ont gardé toutes les idées. L'histoire des éclairs, tu sais, moi, je l'avais lu dans le truc. C'était le truc qui m'a le plus retenu. Ouais, on pourrait en parler longuement. Je pense qu'on a... Ah oui, bah, on peut peut-être parler aussi de cette scène finale sur Tatooine, qui est clairement fin de service, quoi. Ah, clairement, ouais. Avec... Donc Rey qui va enterrer des sabres. Ouais. Les deux derniers sabres Jedi qui existent apparemment dans la galaxie. Ouais, pourquoi les garde-pas, c'est un peu... Bah, ouais... Pourquoi elle va sur Tatooine? Pourquoi, voilà, c'est ce que j'allais dire, non, parce que, ouais, c'est pour faire coucou aux fans, voilà, la boucle est bouclée, tu vois. Skywalker, ça commence sur Tatooine, voilà, hop, ça finit sur Tatooine. Bon, on va dire que c'est à peu près... Ouais, c'est ça, c'est la boucle est bouclée, et on voit Luke et Leia... En fantôme de la Force. Ouais, je trouve qu'ils sont pas très bien faits. Non. Mais je pensais que Rey, moi, c'était la fille du comte Dooku, ça aurait fait la rue du cul, c'était génial. Attention, parce que lui, il s'appelle... Hey, tu sais que le comte Dooku, il s'appelle Dark Tyrannus en non-site. Donc, on a plaisanté longtemps sur ce truc de cette affaire, là, mais bon. Il y a moyen de faire une fanfic. Là. Ouais. Il y a moyen de faire une parodie. Il y a aussi cette scène de flashback, tu sais, au moment où on voit, tu vois, Leia et Luke qui s'entraînent, là, ils sont tout jeunes. Oh là là, les effets sont spéciaux. Hein. Ah, ils sont pas éclairés par le sable laser. Pas terrible, quoi. C'est pas terrible, comme truc. Après, ils ont fait comme ils ont pu. Hein. C'est peut-être les mêmes qui ont fait la moustache de Carville. Je sais pas, c'est pas très crédible, cette scène, pour une scène de 2 secondes en plus. Ouais, juste pour expliquer que Leia, elle a quand même des super pouvoirs de ouais, Jedi. Et que. Est-ce que même dans le 8, on te dit tout le monde peut être Jedi, c'est pas héréditaire, hein. On dit si, c'est héréditaire, ferme bien ta gueule. Bah, ouais, il y a que ça, en fait. Hein. Quoi qu'à un moment, il dit, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que. Et ça, il explique pas dans le film. C'est que le personnage de Finn, il dit, arrête, je dois te dire quelque chose. Et d'un moment, il dit, qu'est-ce que tu dois lui dire? Bah, on le saura jamais. Si, c'était la fille de Palpatine. La petite fille de Palpatine. Non, c'est pas ça. D'après ce que j'ai lu, c'est que, en fait, il voulait dire qu'il était réceptif à la force, Finn. Ouais, c'est pas ce que j'ai compris dans le truc. Bah, c'est ce qu'ils ont expliqué, donné comme explication, on va dire. Ouais. Non, bah, je crois que on a un peu fait le tour. Il y a quelques scènes, peut-être, le personnage de Leia. T'as trouvé que c'était bien intégré au niveau visuel? Bah, ils ont recyclé pas mal de scènes. Ouais, on voit bien quand même. Hein. Après, elle s'est évanouie dans la force. C'était pas que ça va faire, hein, comme Carrie Fisher pouvait pas retourner d'autres scènes. J'ai trouvé que c'était peut-être la scène la plus émouvante quand il y a Chewbacca qui hurle. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est les animaux qui sont le plus expressifs là-dedans. Bah, de toute façon, Chewbacca, il est plus expressif que Boyer, quoi. Excuse-moi, mais. Ouais, non, sinon, c'est des scènes... Enfin, tu vois, j'arrive pas à me souvenir de scènes anthologiques là-dedans. Ouais, on dirait que t'es amnésique quand tu penses à ce film. Bah, c'est oubliable, voilà. C'est tout à fait oubliable. Bah, moi, autant tu prends la première saga qui était sortie dans les années 70, je m'en souviens. La prélogie, je m'en souviens vaguement, d'accord. Là, la postlogie, non, c'est oubliable, c'est bon, c'est oublié. Il y a que les gaffes de scénario qu'on retient, parce que tout le reste peut pas sauver le film. Bah, moi, le problème, c'est que j'ai oublié cette postlogie, parce que je trouve que c'est pas bon, c'est... Ce que Disney en a fait, c'est pas terrible, c'est même de la grosse merde, j'ai l'impression de dire. Je garderai en mémoire les spin-offs. Voilà. Les spin-offs étaient mieux. Comme j'ai lu quelques comics books et quelques romans de l'univers étendu légende maintenant, parce que c'est légende. Parce que t'as l'univers officiel, t'as l'univers légende. Du légende avec des suites de Retour du Jedi qui ont été publiées en comic book et en papier. Je veux garder en mémoire ces livres-là. Plutôt que ces films qui n'apportent rien du tout, qui n'apportent rien, vraiment, mais rien au mythe. Moi, je suis en train de me dire que ça fait Fast and Furious, en fait, ces films. Mais le dernier, complètement. Le 1 et le 2, ça va, le 4, ça va encore, puis après, t'oublies tout, quoi. C'est du film à spectacle, et puis c'est tout, quoi. Ouais, Star Wars, ça devient ça. Il n'y a plus de scénario du tout, quoi. Non, ça devient du. Voilà, on a des effets visuels, voilà, on a des batailles, des combats, bien chorégraphiés, et c'est tout. Bah, c'est ce qui se passe, hein. Pour moi, t'as des scènes de poursuite dans t'as le faucon, t'as cette scène de poursuite dans le désert là avec les stormtroopers qui volent et après t'as la poursuite voilà chevaucher dans l'espace hein, par apparemment les animaux dans Star Wars n'ont pas besoin de respirer. Bah le problème c'est que est-ce que à cette hauteur là parce qu'ils sont quand même assez hauts les vaisseaux hein. Non mais il y a pas de décompression rien. Mais il se passe rien, ils sont là avec leurs chevaux là, la cavalcade. Ouais voilà. Et puis pas de problème quoi. Ouais, avec Zorro puis c'est bon quoi. Et puis t'as fini dit ah ben je sais comment détruire les destroyers. Ah oui c'est tout lui. Hein. Pour quelqu'un qui faisait le ménage, il en sait pas mal. Hein. Putain non mais la cohérence là-dedans bonjour. Hein. Le mec, il y a un canon, il fait tout à la main, il rebranche des bazars, il fait exploser un truc avec un canon. Ah non, c'était vraiment naze, hein. Bah ouais. Tout est naze, hein, que ce soit dans ce film. Mais j'ai quand même de la peine à trouver une scène importante, un truc qui. Je vais dire que j'ai bien aimé le gros fuck de Abrams à Johnson. Quand Luke, il dit, il rattrape le sabre, et qui dit, faut pas traiter le sabre comme ça. L'air de dire, je regrette ce que j'ai fait, je l'ai balancé comme un gros con dans le 2, dans le 8. Ouais, faut respecter. Enfin, je sais plus ce qu'il dit, mais il dit oh, balance pas un sabre. Ouais, faut pas manquer de respect un sabre comme ça. Tu vois, donc c'est un gros fuck d'Abrams. Le problème de cette trilogie, c'est que les mecs se font des fucks en permanence, quoi. Ouais, c'est bon, faire la guerre, c'est pas la peine, parce que là, ça a desservi toute la saga. Hein. Non, mais c'est. Du coup, il n'y a plus du tout de cohérence dans le récit, quoi, dans la trilogie. Bah, on avait pas ceux qui ont apprécié le film, bah, tant mieux pour eux, je vais dire. Mais ça ne remonte pas du tout l'image de Disney pour moi, genre de film. C'est que c'est de la soupe. Là, ça continue. Là, on va dire que en Chine, le box-office est catastrophique. Voilà. Déjà, le 8 a été assez mal vu. Hein. Bah, dans le 8, ils ont rajouté Rose parce que dans le 7, c'était déjà pas terrible au niveau box-office. Bah, l'eau du jour, comme Rose, elle est plus, quasiment plus l'eau. Alors, en Chine, ils ont dû faire la gueule. Ouais, c'est bizarre, parce que ouais, dans le 7, ils te ramènent des personnages qui défoncent dans le 8, et dans le 9, ils défoncent les personnages qu'ils ont ramenés dans le 8. C'est voilà, ça. C'est ouais. ça. Donc, comme tu dis, les mecs, ils se font la guerre entre eux, et puis qui c'est qui en pâtit ? Le box-office, les fans, toute la saga en elle-même. Bah, le box-office lui-même, je vais dire qu'ils ils vont quand même aller vers le milliard, quoi. C'est ça le problème. Et c'est que moi, je m'inquiète quand même, c'est que les financiers qui sont derrière ce genre de truc, parce que c'est pour beaucoup des financiers, les producteurs, c'est plus vraiment des gens qui ont une vision artistique. Ils vont voir que ça fait toujours autant de pognon. Donc, est-ce qu'ils vont, ils vont se réveiller et se dire, ah bah, faudra peut-être qu'on change d'optique et qu'on arrête de faire qu'on propose de quelque chose de nouveau. Non, c'est tout, c'est mort. C'est des licences comme la Indiana Jones, Terminator et tout. Maintenant, ils ont une licence et puis ils font un film à grand spectacle derrière. Putain, je me répète pas mal. Et puis, le scénario, ouais, comme tu dis, ils en ont plus rien à foutre. Le but du jeu, c'est d'en foutre plein la vue. Là, tu passes un moment, tu te vides la tête. Avant, tu portais une réflexion sur ce que tu regardais. Maintenant, t'as pu réfléchir sur ce que tu regardes, tu te vides la tête et tu regardes, puis c'est tout. Ouais, c'est un peu le problème, c'est que s'il faut se décrocher, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais quand tu vas voir un film, un blockbuster maintenant, faut que tu débranches tes neurones. Ouais, mais moi, je suis désolé. Quand je vais voir un film, je vais voir aussi pour la qualité artistique, la qualité d'écriture, la qualité d'interprétation des acteurs. Et il y a rien là-dedans. Il y a rien dans cette trilogie de tout ça, pour moi. C'est ça le gros problème. Et tu parlais des franchises, mais c'est vrai que cette année, c'était un petit peu catastrophique hein, pour tout ce qui est blockbuster. Je pense au dernier Terminator qui est une catastrophe, mais c'est immonde quoi. Même l'Avengers, moi, il m'a pas convaincu. Hein. Moi, je reviens dessus. Quand tu voyais Avengers Infinity War, il était vraiment exceptionnel. Ouais. Dans la tout cas, il y a de la recherche scénaristique qu'il y avait. Puis quand tu vas dans Endgame, voilà. Tout y est retombé à plat. Tout y est retombé à plat. Ouais. Ça a été sous-estimé. Même t'as les films Marvel. Bon, Captain Marvel, on avait bien apprécié. Spider-Man, on n'a pas du tout apprécié. Oh la vache, ouais. Ouais. Et puis il y a le dernier Rambo que j'ai vu aussi qui était vraiment mauvais aussi. Bah, tu vois, c'est toutes des licences qui ont été tellement surexploitées que ça s'étouffe. Mmh. Mais parce qu'ils veulent rester sur ce qui. Tu vois, sur une base qu'ils connaissent, quoi. Même là, il y a eu Shazam cette année dans un film d'ici. Bah, c'était pas exceptionnel non plus, hein, Shazam. Non, c'était pas. Bon, après, Shazam, c'est très dur à mettre en. Enfin, faire un film avec Shazam, c'est compliqué. Ouais, c'est quand même un gamin. Les X-Men Dark Phoenix, que tout le monde a dit que c'était de la merde. Bah, je suis désolé, moi, je me suis pas emmerdé, quoi. Pas comme Spider-Man ou un autre film, tu vois. Bah, après, c'est toutes des licences qui s'essoufflent. Ouais. C'est tout. Et pour renouveler le truc, parce que là, c'est vrai que on va peut-être un petit peu passer sur. Sur les attentes de l'année 2020, si tu veux bien. Et notamment, on va causer de quelques trailers qui sont déjà disponibles sur Internet. Donc, je vais faire ça par ordre chronologique, hein, bien sûr. Et pour nous, le premier film, ça va être en février, donc Bird of Prey, ou la fabuleuse émancipation de Harley Quinn. Ah, bah, heureusement que t'as dit le deuxième titre, hein, parce que Bird of Prey, moi, je l'ai pas vu dans la bande. T'as pas vu que c'était Harley Quinn qui était principale, non? Ah, j'ai vu Harley Quinn, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, toujours avec Marco Robbie. Et puis, on vient de visionner un deuxième trailer. Qui nous a donné encore moins envie que les autres, on va dire, parce que c'est ridicule, c'est plein de couleurs flashy. Harley Quinn qui commence à faire des saltos arrière et des karatés et à se battre contre 3-4 mecs en foutant des mandales incroyables. Ce que j'allais dire, il y a Bruce Wayne qui a subi un entraînement pendant 10 ans, 20 ans. Elle était psychiatre et c'est bon, elle sait tout faire. Ah non, mais c'est complètement ridicule parce que la façon dont elle bouge dans le trailer, c'est. Je sais pas, on dirait un petit peu Trinity, tu sais, dans Matrix, pour moi. Une Trinity délurée. Ouais, ouais. Voilà, quoi. Mais, une nouvelle fois, tu vois les noms des personnages secondaires, parce qu'ils sont quand même secondaires, hein, dans ce film. On voit que Margot Robbie, hein, on voit pas que ce soit Huntress ou Black Canary ou. J'espère qu'il y en a juste qu'il y en a une qui va mourir à la Slick Note, moi. Certainement. Peut-être dans The Suicide Squad qui va sortir l'année prochaine. Voilà, quoi. Ça va être dur à visionner, quoi. Moi, j'ai l'impression, quoi. Qu'est-ce que t'as retenu de ce trailer, à part McGregor qui met son masque noir, quoi. Ouais, et encore, hein, je sais pas si ça a forcément envie de retenir ça. Ouais. Non, voilà, ça va être un film à. Pas à effets spéciaux, mais un film girly, quoi. Puis avec des trucs qui pètent et les femmes sont fortes et. Mmh. Bah, je crois que j'ai résumé. Hein. Bah, les femmes, il y en a qu'une qui est forte là-dedans. C'est Margot Robbie. Elle va continuer longtemps comme ça à faire Harley Quinn parce que apparemment il y a encore deux autres spin-offs qui sont prévus là. Les fans en demandent. Hein, ouais. Donc ça risque de durer jusqu'à ce qu'elle ait un peu de ride. Hein, sinon, on va en bouffer. Hein. Le personnage va quand même s'épuiser au bout d'un certain moment. Tu crois pas hein. Il est dans la hype hein, en ce moment. Il est tout à fait à la mode. Donc pour l'instant, ouais, je suis pas spécialement surpris qu'il y ait un film sur Harley Quinn parce qu'on va pas dire c'est Bird of Prey. Hein. C'est un film sur Harley Quinn qui va sortir. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que l'avenir d'Harley Quinn va dépendre des entrées en salle de ce film, tout simplement. Si le box-office est mauvais, ils vont tout de suite arrêter la production sur les films. De toute façon, là, DC est en pleine production de The Suicide Squad, de James Gunn d'ailleurs, la nouvelle version, avec quasiment les mêmes acteurs que le précédent. Parce que quand il va revenir. peut-être. Mais il y a aussi The Batman avec notre ami Pattinson. Ouais, j'attends de voir aussi ça. Ouais, et puis un beau casting avec plein de personnages. D'ailleurs, il y a déjà un problème, c'est que dans un film de, je vais dire, peut-être de 2 ou 3 heures, comment ils vont faire pour construire de véritables vilains, vu qu'il y a quand même déjà 2-3 vilains au casting. Hein, donc, il va falloir les caser, quoi. Plus il y a de vilains, moins il y a de scénarios. c'est ça le problème. Voilà. T'as Catwoman, t'as le Pingouin, t'as le Riddler, t'as je sais plus, enfin t'as Gordon aussi, mais c'est pas un vilain, mais déjà là. Bah, t'as Pattinson, il est vilain. C'est le vilain vampire, on va dire. Hein, on verra. Je suis impatient quand même de voir ce qu'il va donner cet acteur dans le rôle de Bruce Wayne. Et j'aurais bien aimé voir Pattinson dans Blade. Ah ouais, ça c'est autre chose. Ouais. D'ailleurs, ils vont faire une nouvelle version de Blade avec Mahershala Ali, là, tu sais, l'acteur qui a remporté l'Oscar il n'y a pas très longtemps dans Green Book et qui a d'ailleurs joué aussi dans la série Luke Cage, qui était une très mauvaise série d'ailleurs au passage. Je sais pas, tu l'as vu? C'était long. Ouais, c'était. Ouais. Ouais, il se passe pas grand chose tout le long des épisodes, et puis ouais, bah, les enjeux, c'est limite, quoi. Ouais. Donc, c'était Cottonmouth, je crois, dans le. Ouais, Cottonmouth. Ouais, tu vois. Et cet acteur, il est pas mauvais, mais faut voir ce qu'il va donner, parce que il va falloir passer après Wesley Snipes, et Wesley Snipes, en termes de charisme, c'était quand même autre chose, hein. Ouais, après, voilà, Wesley Snipes, c'est un acteur des années 90, hein. Ouais. Donc, il est dépassé, donc, voir ce qu'ils arrivent à apporter de nouveau, quoi. Le problème, c'est que Wesley Snipes, c'était un acteur très physique, et donc, ça se voyait dans son jeu, et c'était quand même quelqu'un qui pratiquait les arts martiaux et tout. Mahershala Ali, c'est un acteur de composition. Est-ce qu'il va être aussi bon? Et ouais, il va falloir des doublures, il va falloir quand même apporter quelque chose de plus, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, que par rapport à Wesley Snipes, qui est un acteur qui est plus une figure du cinéma d'action, que Mahershala Ali, qui est plus dans le cinéma intime, tu vois. J'ai pas compris un petit peu le choix, parce que ils auraient pris Michael B. Jordan, tu sais, par exemple. Qu'est-ce que je vais citer? Michael B. Jordan, c'était le vilain de Black Panther, par exemple, tu vois. Lui est très physique comme acteur. Il est physique, puis il y avait une certaine prestance quand même. Il y a du charisme, quoi. D'ailleurs, plus que l'acteur qui faisait. Chadwick Boseman, d'ailleurs, ouais. Et puis, c'est même lui qui reprend le rôle de Creed dans les nouveaux Rocky. Ça, c'est un choix de Marvel. Maintenant, il va falloir qu'il concrétise. Et on s'est un petit peu éloigné du sujet. Là, on parlait de Bird of Prey, on est arrivé à Blade. On va peut-être se recadrer, là, parce que. Alors, le prochain film, c'est en avril, donc c'est Les Nouveaux Mutants, encore un spin-off de X-Men. On va encore dériver, hein. C'est Freddy et les griffes de la nuit en fait. Hein. quand j'ai vu le nouveau trailer, j'ai dit on a l'impression de regarder Freddy 3, les griffes du cauchemar. Tu sais, je te parle de cette histoire de jeunes qui sont enfermés dans une espèce d'établissement pour psychiatrique, quoi. Et Freddy s'en prend à ces jeunes qui essayent de contrôler leur pouvoir dans les rêves. Et donc ils se battent comme ça contre Freddy. Bah, pour moi, c'est un peu pareil, parce que déjà, t'as cette scène avec les ombres qui sortent des murs. Ouais. T'as, je sais plus ce que. La porte qui devient toute sombre, ouais, comme dans un film d'horreur. Ouais. Les mecs qui te font des scare jump, des jumpscares avec qui descendent du plafond. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu des ficelles qui sont usées, quoi, quelque part? Bah, ça fait ficelle de film d'horreur standard. Puis à la fin, t'as une espèce de gros monstre qui a la forme de. Enfin, apparemment, c'est adapté d'un arc que j'avais lu en comics, là, avec une histoire d'ours magique, là, de maléfique. Mais ça, fallait suivre ça dans les vieilles revues de Strange, c'était là-dedans que ça a été publié. Ouais, non, mais les Nouveaux Mutants, t'as pas l'impression de regarder un film sur les mutants, quoi, sur la génération X-Men, quoi. Non, mais ils auraient pu faire un film d'horreur et mettre un autre titre, et puis voilà, c'était pas obligé de les tamponner X-Men, quoi. Ouais, c'est ça. Ou New Mutants, ou n'importe. Alors, est-ce que ça te tente d'aller le voir, toi, parce que toi, t'es pas du tout film d'horreur, en plus. Ah bah non, le dernier film d'horreur que j'ai vu, c'était Star Wars 9. Avec Palpatine. Avec Palpatine, il t'en vient un détraqueur. Qui est tout défriché, là, à la fin. Non, il perd ses doigts et tout. Ouais. Non, film New Mutants, ça me branche vraiment. Non, alors, pas du vraiment tout. Pas. Donc un deuxième film à part Bird of Prey qu'on va peut-être mettre de côté. Bah, celui-là, je vais peut-être aller le voir, mais juste pour le défoncer, parce que je vais voir rien qu'à la bande-annonce, tu sais, ça a une saveur de film où t'as bien envie de critiquer et de troller. Ouais. Dans la continuité, le mois d'avril est quand même un petit peu fourni. Il y a un autre film dont tu viens voir de la bande-annonce, c'est Black Widow. C'est le spin-off, encore un spin-off Marvel, qui pour moi est complètement complètement inutile hein, par rapport à la continuité de, du MCU. Alors un film qui est fait après la mort de Black Widow, c'est compliqué déjà. Ouais. Puis en plus là, ça fait girl power aussi, mais plus dans les femmes sont fortes, tu vois. En fait, on a la réunion de plusieurs générations de veuves noires, quoi, si tu veux. Ce sont des espionnes. Ils vont se regrouper pour affronter un seul ennemi qui est le Taskmaster, là, tu sais là. Ouais, je connais bien le Taskmaster. Le gars avec son arbalète, là, son. C'est l'équivalent de Sportsmaster dans DC. Ouais. Et c'est pareil. T'as un équivalent du jeu. Ouais, c'est l'équivalent de Sportsmaster, sauf que Taskmaster, il copie n'importe quelle technique. D'accord. C'est tout. Il y a les Sharingan comme dans Naruto. C'est vrai, en plus, on voit deux secondes sur un char là, avec son arc. Et bon, il a de la gueule, mais est-ce qu'il va être bien exploité? Ça, c'est autre chose. Et puis, t'as cette scène un peu bizarre, là, qui tombe du ciel, là, les soldats de l'Empire. Là. Bah, ils volent maintenant. Exactement ça. LOL. Et il y a cette poursuite, et puis t'as Scarlett Johansson avec ces deux actrices là, qui sont pourtant pas mauvaises, hein, les deux actrices, je sais plus leur nom. Et puis ils vont être accompagnés d'un gars qui est déguisé en rouge là. C'est pas l'équivalent du capitaine, mais sans pouvoir. Ça doit être le soldat rouge, lui le gardien en Russie, rouge. Ouais, lui c'est un soldat russe. Ouais, c'est un soldat un russe, fort, l'équivalent ouais. de Captain America, ouais. mais sans sérum. Et, voilà. Donc cet acteur qu'on a vu cette année dans le rôle d'Hellboy d'ailleurs, si je me souviens, David Harbour. Ouais, bah il fait un peu le comique hein, là-dedans. C'est comique relief. Ouais, c'est ça. Il fallait un homme, un élément masculin ridicule, et il l'a, quoi. Enfin, est-ce que ça donne envie, quoi, encore une fois, d'aller voir là Ça me branche pas plus que ça, hein. Franchement, Black Widow, ouais. Je sais pas, j'ai autant d'habitude, j'ai une curiosité pour aller voir, comme le premier Doctor Strange, j'avais de la curiosité. Captain Marvel, quoi. Mais Captain c'est Marvel, bien. J'étais aussi très curieux d'aller le voir, ouais. Je me dis, tiens, ça peut être bien. Mais là, tu crois, moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a pas de pouvoir, ça m'intéresse pas, en fait. Ouais, c'est parce qu'il y a un côté peut-être un petit peu trop technologique et espionnage, c'est peut-être cette absence de fantastique, justement. Ouais, ça fait plus... Triple X, Fast and Furious, espionnage. Que c'est vrai que j'ai pensé à Fast and Furious version féminine, quoi. Ouais. Avec toutes ces scènes d'action, et puis le montage aussi de la bande-annonce qui fait que t'as une suite de jeux, un petit peu Jason Bourne, tu sais, avec dans la manipulation des armes et tout seul. Ouais, non, mais faut regarder, mais bon, c'est bien fait, mais bon. C'est encore une fois, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de films avec beaucoup de personnages d'héroïnes cette année. Hein. C'est très la mode en ce moment. Hein. C'est version féminine badass, on est très forte. Mais on apporte quand même le gant à Thanos. C'est vrai en plus. Donc The Black Widow, il faut le resituer dans la continuité du MCU, c'est que il se situe juste après les événements de Captain America Civil War. Donc bien avant Infinity War, hein. Pas après, parce qu'il y en a qui vont s'y perdre. Hein. C'est que le problème, c'est qu'ils font un film, ils vont se dire ah bah Black Widow finalement elle a survécu à sa chute de, ouais. Tu sais, ils auraient pu dire bah avec le gant on l'a ramené à la fin, on a ramené tout le monde. En avait la capacité. En plus qu'ils pouvaient ramener tout le monde. Hein. Ouais. Non mais ils s'en foutent de Black Widow. Ils ont fait crever Iron Man, mais bon, je suis pas sûr que Stark il va pas revenir. C'était un petit peu un personnage secondaire, un peu comme Hawkeye, quoi. Bah, tu vois, même un truc sur Hawkeye, ça me marche pas plus que ça. Ah non, mais il y a une série là, qui va arriver, je sais pas si t'es au courant. Ils sont en train de développer plusieurs séries sur. Il y a aussi WandaVision. Ouais, WandaVision. WandaVision, il y a Falcon et Winter Soldier qui devraient arriver cette année. Il y a Hawkeye pour l'année prochaine. Il y a la série sur Loki. Ça fait beaucoup, hein. Ben, c'est le matraquage, c'est parce que Disney Plus a besoin de matériel et puis. L'argent. Ben, justement, cite un petit peu cette anecdote de Disney Plus, hein, c'est qu'il y a eu un mini record d'inscription. Les gens, ils ont regardé The Mandalorian, ils ont coupé leur inscription. Pourquoi il faut déjà chercher un problème, c'est que les films Disney sortent tous au cinéma. C'est pas comme Netflix, tu vois. Puis, il veut dire, là, même si c'est pour les classiques, tu les as en DVD ou en Blu-ray, bah comme oui. tu disais. Bah oui. Puis les films Disney, ouais, sortent au ciné. Ils ont pas vraiment de catalogue qui sortent de l'ordinaire, faut dire non, ce qu'il faut. Non plus. Et... ils ont le catalogue Lucasfilm, on connaît par cœur. Il y a le catalogue Marvel, on connaît par cœur aussi. Ouais, puis The Mandalorian, ça sortait du lot, donc ils ont fait un peu de chiffres avec ça. Puis bah, maintenant, ça se casse la gueule, hein. Ouais. Parce qu'ils ont plus rien d'autre à proposer. Tandis que Netflix propose de la variété, des classiques, et puis des séries originales. Mais beaucoup de séries originales. Ah ouais. Bah, c'est pas toujours de qualité, hein, je l'accorde. Non, c'est mais, clair. Je sais pas, ça a l'air plus fourni déjà. Non, puis comme je te disais, il y a le fait qu'ils vont continuer à faire ça à leurs films. Mais est-ce qu'ils vont produire aussi des films pour leur propre chaîne? Parce que j'ai l'impression que ça part que pour les séries, là, Disney+. Hein. D'ailleurs, il va falloir attendre, je crois, au milieu de l'année pour que ça arrive en France. Parce que il y a pas de il y a pas c'est pas encore arrivé en France, quoi, Disney+. Ouais, c'est trop tard, les mecs. On a déjà tous regardé The Mandalorian. Vous pouvez fermer. Surtout que c'est un peu bizarre parce que t'as des versions françaises sur, sur le net, mais bon. Donc, j'ai pas bien compris, là. Je pensais qu'il y avait que des VO, mais bon. Mais tant mieux. Mais, je sais pas d'où elles viennent ces versions françaises, c'est bizarre. T'as du Canada, je ne sais pas. Tabernac. J'espère qu'il n'y a pas trop de Tabernac. C'est vrai qu'il pourrait dire, j'ai pas relevé qu'il y avait des accents, quoi, tu vois. Mais, voilà, quoi, le Québécois. On salue nos amis québécois d'ailleurs. Si on en trouve. S'ils nous écoutent. Ouais, mais il va falloir qu'ils s'aient... que je pense qu'ils produisent quand même quelques films pour alimenter leur réseau streaming, parce que sinon ça va pas marcher, hein. Et c'est ce qu'Amazon est en train de faire. Alors il fait des séries, mais il commence à produire à proposer aussi des films, ce sont des TV, hein, de toute façon c'est pas des programmes originaux Amazon. Ouais. Mais ça reste encore plus discret. Programmes originaux, le terme original est un petit peu calvaudé, hein. Non, problème originaux dans le business center, ça veut dire c'est à nous, vous touchez pas, quoi. C'est juste ouais, ça, le programme t'as original. La licence, mais t'as rien créé derrière, c'est t'as ça le problème. T'as la licence, mais c'est ouais. À nous, ça nous appartient. T'as c'est rien ça créé, qui est original. Y a rien de créé, la création originale, elle est pas là, quoi, pour moi. Ouais. Mais bon. Mais voilà, quoi, c'était juste pour dire que Disney+, pour l'instant, c'est pas très motivant. Hein. Alors, j'ai noté, là, on arrive déjà au mois de juin avec Wonder Woman numéro 2. On n'a pas encore discuté du trailer, d'ailleurs. Donc, le retour de Gal Gadot et de Chris Pine. C'est Steve Trevor, je crois qu'il était mort. Bah ouais, qu'est-ce qu'il vient foutre là, ouais. On verra sur le truc. Mais... je sais pas quelle excuse ils vont trouver pour le ramener, lui, mais bon. Bah, c'est les dieux de l'Olympe ou je sais pas quoi. C'est Hadès qui dit il est trop chiant aux enfers. Il va le ressusciter. D'ailleurs, dans ce trailer, il n'y a pas beaucoup de références à la mythologie. Hein. Si t'as remarqué, il y a quelques scènes avec Thémiskira. Alors, il n'y a pas beaucoup de références à la mythologie générale, et il n'y a pas beaucoup de références à la mythologie d'ici non plus. Non plus. Ils essayent un peu de se démarquer du TCU, c'est pas ton avis ? Ah si, carrément, c'est exactement ouais. Ça. Après, c'était leur objectif, hein, se démarquer de... dire la Trinité d'ici. Pour Shazam, ça a pas trop marché. Là, voir ce qu'ils arrivent à faire, parce que dans Wonder Woman, moi, dans le premier, j'avais quand même une bonne surprise. Ouais, non, mais le premier était bon. Maintenant, faut voir ce que c'est. Moi, les scènes de... Les scènes d'action, elles ont l'air assez sympathiques. Elle est bien dans le rôle, hein, faut le dire, hein, Gal Gadot. Elle incarne bien le rôle. Hein. Ouais, ouais, pour ceux qui vont reprocher qu'elle est trop sexy, je suis désolé. Dans tous les comics BD thémiskiriennes, on toujours Wonder été... Wonder Woman qui est pas sexy, c'est pas Wonder Woman pour moi. Mais bon. Non, puis c'est la marque de fabrique. C'est des thémiskiriennes, elles se battent sans armure, quoi. C'est Par contre, je suis un peu étonné qu'il y ait toujours pas mis de futale, quoi, tu vois, pour éviter qu'elle soit trop sexualisée. Ouais, bah après Gal Gadot, c'est pas non plus l'actrice. Toujours très habillée, on va dire. Dans Fast and Furious, elle est pas très habillée. Ouais, non plus. Mais je veux dire, c'est pas. Moi, je trouve pas ça choquant. Quand je regarde les films Wonder Woman, tout ce que je vois, c'est une guerrière en fait. C'est l'action. J'ai l'impression de voir comment il s'appelle, Conan le Barbare, mais en version féminine. Ouais, je suis quand même moins brutal. Hein, quand un même, niveau habillement. Hein. Ouais, quand même moins brutal et moins adulte. Hein. Conan, c'est vraiment spécial des fois. Hein. Surtout le premier, parce que les autres. Mais non, elle est très bien. Et puis il y a quelques scènes que il y a pas vraiment d'histoire là-dedans. Hein. Il y aura apparemment la présence de Cheetah. Alors ça. Alors pas Tarzan, hein, Cheetah. Ouais, Cheetah Wonder Woman. Une espèce de féline. Je connais pas bien la mythologie, donc je pourrais pas dire. Mais il y a aussi la présence de Maxwell Lord, qui est un super vilain qu'on retrouve aussi dans l'univers d'ici. Je vois pas qui c'est. Celui-là. Bah c'est une espèce de télépathe qui manipulerait les gens. Xavier. Je sais pas. Un Xavier un peu du côté obscur peut-être. quelqu'un qui influence les gens à faire des choses qu'ils voudraient pas faire, quoi, tu vois. Comme celui dans Jessica Jones, c'est alors, ça, ouais. Monsieur Violet, un truc comme ça. L'homme pourpre, ouais, c'est ça. Monsieur Violet. Ouais, Lord est un vilain que je connaissais pas et que j'ai un peu découvert dans les divers bandes dessinées que j'ai pu parcourir, là, tu vois. Et il était même question qu'il soit l'antagoniste principal dans le premier projet du film Justice League, tu sais, le film qui était prévu à l'origine. Bien avant le film ouais, de. À la place, ils t'ont collé un truc numérique dégueulasse. Mais là, c'était Lord, et puis on verra bien ce que ça va donner. D'ailleurs, Max Lord, il est joué par Pedro Pascal, qui incarne. Il y a une rumeur aussi qui a tourné aussi, qui porte le casque du Mandalorien dans la série. Et il disait que Pedro Pascal, des fois, c'est pas lui dans le casque, c'est des acteurs. Après, c'est facile, hein, c'est Power Rangers, ouais. C'est pas les mêmes dans le casque. C'est un peu comme Boba Fett, tu sais, tu peux présenter n'importe quel acteur pour Boba Fett parce qu'il enlève jamais son casque. Porte Chewie aussi, hein. Ouais, ouais. Il faut la taille quand même. Mais c'est un truc pour s'amuser, quoi, de dire ouais, Pascal, le machin. C'est pas un mauvais acteur. Moi, dans tous les films que j'ai pu voir de lui, il se débrouillait pas mal. Maintenant, dans ce rôle-là, bon, il y a une espèce de perruque blonde qui fait un peu bizarre, mais bon. Il n'y a pas d'orientation d'histoire dans le film, dans la trailer. C'est un peu vague, je trouve. Non, pour l'instant, dans la bande-annonce, on ne sait pas où on va. Hein. C'est une super héroïne quand même. Je pensais qu'elle était retirée du monde, mais je ne sais pas comment ils vont nous amener ça, faut voir. Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est le retour de Steve Trevor, quoi. Ouais, bah aussi à voir comment. Enfin, maintenant, c'est l'univers d'ici, ils arrivent toujours à te faire une merde magique qui arrive à faire quelque chose. J'espère que c'est pas un reboot. Ou une manipulation de. Si c'est un reboot. De Maxwell Qualité Filtre, là, mais sinon. Ah, peut-être que ce serait peut-être qu'une illusion, à ton avis. Ouais, comme dans Spider-Man 3. Ah non, 2, pardon. Avec Mysterio. Ah ouais, peut-être que ça va partir par là, mais bon, ce serait un peu bizarre quand même. Mais voilà, quoi. Bah, j'ai envie de voir un deuxième trailer pour vraiment me fixer sur le truc. Il y a cette scène un peu bizarre là, tu sais, où elle prend son lasso, puis elle commence à faire un peu. Bah, on parlait de Spider-Man, elle fait du. Ouais, elle se balade sur les éclairs. Elle se balade sur les éclairs. C'était pas mal fait, je trouve ça, mais est-ce que c'est dans le comics, ça, je ne sais pas. Ouais, ça se peut, hein, parce que c'est quand même dans les comics, elle n'est pas sortie de la glaise. Mm. Elle a été. Enfin, c'est Hippolyte, c'est ça, Hippolyta. Ouais, Hippolyte. Qui a couché avec Zeus, hein, tout simplement. Ouais. Donc ça pourrait se tenir dans le comics. Bah, dans le film, elle sort de la Terre, non? Dans le film, elle sort de la glaise. Et dans le. Comme dans la Schtroumpfette. Le film d'animation. Dans le film d'animation. Ah, je crois qu'elle sort de la glaise aussi. Je serais pas convaincu. Mais dans les comics, non. Hippolyta, elle dit qu'elle sort de la glaise jusqu'à ce jour. Elle se rend compte qu'en fait, elle s'est fait. Un rapport sexuel avec Zeus, quoi. Ok. Ouais, les Amazones qu'on voit un petit peu dans Justice League d'ailleurs. Dans cette scène assez mythique. Ouais, là, puis au elles début. Prennent cher, hein, je veux dire. Voilà, c'est des guerrières. Hein. C'est ce que je te dis. C'est que tu fais totalement abstraction de. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques. Hein. Elles sont court vêtues, machin. Les trucs. Je veux dire, quand tu les vois dans une scène de baston, là, tu fais complètement abstraction de ça. Ah bah elles sont très fortes. Hein. Ouais, elles sont badass. Ouais, ouais. Puis elle apporte pas le gant à Thanos. Hein. Fuit, hein. T'as l'air d'en profiter au MCU, d'être maladroit avec la jante féminine, c'est ça? Non, c'est pas mon genre. On va dire ça. Ouais, Wonder Woman, on l'attend quand même avec impatience, ce film-là. Ah, celui-là, je l'attends. Oh, ouais. Ce film-là, je l'attends. C'est une des grosses attentes. Et j'irai le voir. Après, j'espère que ça ne me fera pas l'effet Star Wars. C'est-à-dire que j'irai pas le voir pour rien, mais non, j'irai le voir. Ouais, je pense qu'on va pas être déçu. Ce sera peut-être un bon divertissement, tu sais. Ce sera au moins un film, un blockbuster. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est pour juin. On va passer en août. Là, j'ai noté SOS Phantom numéro 3. Enfin, SOS Phantom, l'héritage. Ouais, j'allais dire Legacy, parce que. Alors, tu veux en parler de ce trailer? Bon, j'ai l'impression de regarder. Tu sais, le film sur les années 80 avec Spielberg, Ready Player One. J'ai l'impression de regarder un Ready Player One, mais sans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on nous colle toutes les références des années 80 de Ghostbusters, et c'est tout. Et après, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, t'en sais rien. Bah, moi, j'ai pas regardé la série Stranger Things. Par contre, il y a eu beaucoup de liens avec cette série, parce que déjà ce sont des enfants, et deuxièmement il y a une scène où justement les enfants sont déguisés en chasseurs de fantômes, parce que je sais pas si tu connais un petit peu l'univers de Stranger Things. C'est une série que j'ai pas regardée. Beaucoup de références aux années 80 et du fan service quasiment dans tous les épisodes. Ce qu'ont reproché beaucoup et ce qu'ont aimé d'autres, parce que il y en a qui adorent le fan service. Hein. Comme Ready Player One, comme tu disais, Ready Player One peut générer pas mal de fans. Hein. Bah, je suis désolé, le fan service quand c'est bien géré et que c'est subtil, ça peut passer. Ouais, mais Ready Player One c'était quand même assez né à coup de tractopelle. Hein. Ready Player One, c'est putain, j'ai l'impression que t'es un gamin et qu'on te secoue des clés tout le long devant ta gueule pour te faire regarder le machin. Il n'y a rien dans ce film. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Ça marche pas. Si, c'est un scénario à la Percy Jackson, c'est tout. Hein. Bah, c'est un truc pour les amateurs du jeu vidéo. Moi, pour moi, c'est ça. Et encore, je suis désolé. Hein. On te balance un robot, on te balance un Gundam ou... Ouais. Je sais plus ce qu'il y avait, il y avait un Godzilla aussi dedans. Il y a une fanfic mis en film. À un moment, il y a l'armée, on voit Spawn en. Il y avait Spawn, il y avait Freddy Krueger, il y avait tout, quoi. Ah, ils ont tout balancé. Hein. Ouais, ils ont vraiment balancé la sauce, quoi. Pour parler comme ça, vieux, un petit peu familièrement, c'était vraiment mauvais, quoi. Pour un Spielberg, c'est mauvais, quoi. Ouais, franchement, ouais, c'est pas. Ouais, si, je crois que c'est l'un de ses pires. Hein. Ah ouais, c'est l'un de ses pires. Hein. Bah, Spielberg, on dit, ouais, j'ai jamais fait de mauvais film, je suis désolé, mais il faut regarder Jason 4 hein, aussi. Hein. Non, mais c'est pas lui. Celui-là, le problème, c'est que c'est un peu comme Star Wars dont on parlait tout à l'heure. C'est que c'est un film qu'on va oublier dans la continuité. Ouais, il n'a pas eu. Il s'arrête à la dernière croisade et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ouais, il n'y a pas ce film pourri qui est dans une continuité parallèle. Non, c'est un film fait par un fan. c'est pas canon. C'est une fanfiction, on va dire. Un gros fan film. Voilà, quoi. Il y a des films comme ça que t'as envie d'oublier, quoi. Post-Logis Star Wars. Oh, on oublie. Indiana Jones 4, faut oublier. Hop, on oublie. Superman 4, on oublie. Non, mais il n'y a pas eu non plus. Hein. Batman, ouais, Batman 3 et 4, on oublie. Alors, Superman 4, ça fait vraiment fan film. Hein. On est déjà revenu dessus. Avec la scène Lego, là, tu vois. Ah ouais, CTRL-Z. Il y a tous des films comme ça qui sont polémiques. Ah ouais. Et pour revenir à ce que je disais, là, sur le siècle, c'est qu'ils ont pris ce concept et puis ils ont dit, ah bah c'est une bonne idée, on va le réintégrer dans la nouvelle version de SOS Phantom 3 avec des gamins qui vont jouer avec des armes qui sont quand même hyper dangereuses. Hein, des armes nucléaires. Hein, ouais, en plus. Ah ouais. Donc ils vont chasser le fantôme et puis voilà. Quoi. Ah ouais. Ça m'a l'air débile, quoi, comme film. Bah, tu vois, celui avec les femmes, donc Ghostbusters remanié, s'il y avait du potentiel, c'est pas parce que c'est des femmes et tout, mais ils en ont fait un film pipi caca, hein, tout simplement. Toi, t'as aimé ou t'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé. Hein. Non. J'ai pas aimé parce qu'il y avait pas de matière, hein, c'est tout. Hein. C'est un reboot vraiment calqué sur l'original. Non, puis il y avait rien. Enfin, il y avait pas de. C'était pas intéressant, il y avait pas d'enjeu, c'était pas grandiloquent, c'était pas. Il y avait pas de tension, il y avait rien, quoi. Il y avait beaucoup film. De LOL, quoi, aussi. Ouais, c'était bite cunichon, puis c'est. Ah ouais, à ce point-là. Les bites parce qu'il y avait que les femmes, mais c'est tout, quoi. Ouais, puis en plus, t'avais l'acteur ouais. de Thor, là, ouais. Qui trolle beaucoup dans les derniers films. Il y a ouais. Un de cash, lui, ça se ouais. Voit, quoi. Ouais. Donc voilà, après, si ça part sur la même lignée, je vois pas ce qu'il pourrait approcher, moi. Enfin, ce qu'il pourrait apporter. Bah, ça va pas être sur la même lignée, mais on voit quand même le fanservice. T'as le pack, t'as Proton, t'as l'Ecto 1, c'est tous des trucs qu'on aime bien, nous. On est quand même assez fans de Ghostbusters. Bah, c'est ça, ils nous ont montré ouais. Tous les. T'avais bien aimé, toi, les deux premiers bah, les deux premiers, j'avais bien aimé, j'ai préféré le premier. Que le deuxième. Ah, le deuxième, il est pas bon. Hein. Bah, le deuxième, il est correct, mais moi, l'âge que j'avais quand j'ai été le voir, ça m'a plu. Ouais. Attends, avec la statue de Liberty qui marche, moi, je fais partie des gens qui ont bien aimé Godzilla ouais. Contre Ibira. Alors, ouais. Faudrait qu'on fasse un spécial Ghostbusters. Il faudrait le faire, parce que là, il ouais. Y a de la matière, et surtout ouais. Que, ils en ont quand même bien chié pour faire leur premier film. Ouais. Il est top. Moi, je suis désolé, le premier film, c'est un carton. Déjà, t'as un super quatuor. Hein. T'as Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis. Film de pote. Hein. Ouais. Le premier film, c'est un film de pote. Hein. Comment il s'appelle, l'acteur noir là, celui qui joue le Z mort. Ouais, Moussine Z mort. Ernie Hudson qui fait des rôles plus sérieux après. Mais ça fonctionnait super bien, ouais. Cet esprit d'équipe là. Puis c'était frais, c'était une nouvelle idée, c'était frais. Puis il y avait des enjeux, puis tu t'attachais au personnage. Parce que là, tous les films de maintenant, je me plais au personnage. T'avais ce côté artisanal des effets spéciaux. Je pense à la bestiole là, qui cavale, là, tu sais, à un moment, là, le démon. Quoi après le mec à lunettes là. Ouais, voilà. Ouais. Louis, tu sais, j'aime bien ce Louis là. La Zoul qui court après. Ouais, t'as Zoul qui court après Louis là. Gentil le chien, moi il m'a fait rigoler quoi ce personnage là. Puis c'était très humour comédie ouais, ouais. Centrale, hein. C'était ouais. Voilà, ça se voyait que les mecs ils se connaissaient et qu'ils ouais, avaient ouais. Déjà fait des trucs quoi. Et puis comme je te disais, il y a Zoul et puis il y a aussi le marshmallow géant là qui arrive. Oui aussi. Ouais. Ouais, au début, ils voulaient le bonhomme Michelin. C'est un peu débile, mais finalement, ça marche, quoi, tu vois. Ah, t'es là, t'es pris dedans, tu vois, trop ouais. Bien. Puis voilà. Bon, dans le 2, t'as l'astuce à l'URT, je trouve que ça marche un peu moins parce qu'il recycle un peu les recettes du premier, mais bon, mais c'était deux films qui restent sympathiques, quoi, dans l'ensemble. Après, le 2, ouais. Plus machine à cash. Ouais. Mais moi, je trouvais qu'il se regardait bien. Mm. Bah, alors, c'était le remake. Il reste correct, quoi. Je me suis fait chier, quoi. C'est tout. Pendant le ah ouais, remake, mais je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé parce qu'il y avait tellement d'avis négatifs, je me suis dit, je vais perdre mon temps là-dedans. T'aurais perdu ton temps. Enfin, moi, à mon niveau, j'ai perdu mon temps. J'ai été le voir. Je l'ai pris en location parce que aller au cinéma pour ça m'aurait emmerdé. Et j'ai bien fait parce que je me suis ennuyé. Je le sens bien moi le Ghostbusters spécial. Je sais pas si je vais aller le voir. Je vais peut-être attendre qu'il sorte en VOD. Ouais moi aussi à mon avis. Je sais même pas si je vais le regarder parce que déjà c'est un teaser. On va dire que c'est un teaser et on voit quelques images. Hein. Après il faut voir ce que ça va donner avec les avec les fantômes. Ghostbusters à la Super 8 en fait hein, tout simplement. Ouais c'est ça. Tiens c'est Abraham ce Super 8 d'ailleurs. Merde. Saut de chiasse vite. Mais ça aurait été Abraham ce qui aurait fait 60 hommes l'héritage, ça m'aurait pas étonné parce que c'est du film de fanboy pour moi. C'est un peu le problème de ces licences, hein, comme tu disais. C'est des yes man, hein, c'est plus des bons réalisateurs. C'est des films dont on n'a pas besoin, quoi. Pourquoi 30 ans après, même 40 ans Non, pourquoi pas, mais enfin, c'est juste pour nous faire sortir bientôt maintenant 14 euros pour une place de cinéma. Non, c'est plus la peine, les mecs. Ouais, mais le problème, c'est que c'est toujours... c'est un peu le problème de la symptôme d'Hollywood. C'est que on flirte sur la nostalgie, toujours ressasser les vieilles licences. Et puis, on prend aucun risque à créer un nouveau truc. Tu vois, le dernier truc qu'on a vraiment créé, c'était en 99, c'était Matrix. Même si on va dire que Matrix était un peu une conjonction de toute la culture pop et manga et tout ce que tu veux, mais ils avaient quand même créé des personnages, un univers, et il y avait quelque chose. Après cette période, il n'y a plus rien eu. Si, l'univers Marvel avec Iron Man et tout, les premiers trucs, ça vient de ouf, ça vient des comics. Ouais, mais je veux dire, là, ça a sorti de l'ordinaire quand même. Quand j'ai vu ça au cinéma la première fois, c'est nouvelle ère, quoi. Quand j'ai vu Iron Man au cinéma, on peut pas dire j'étais très impatient de voir un truc de super-héros, parce qu'après les X-Men, quand on en a bouffé. Il y a eu Spider-Man et les X-Men, ouais. C'est-à-dire, quand ils ont sorti Iron Man, quand j'ai vu le premier Iron Man, j'ai eu une bouffée de fraîcheur. Ouais, c'était autre chose. C'était autre chose. Après, quand j'ai vu le 2, j'ai dit putain, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Là. Quand j'ai vu le 3, j'ai eu une bonne surprise. Après la phase 2, on voit que ça commence à faiblir. Hein, quand et même. Après, ça rame, et après, on sort les rames. Thor Dark World. Ouais, Thor Ragnarok aussi. Ouais. Thor Ragnarok, il y avait quand même. C'était bon. Il y avait des bonnes subtilités. C'était bon quand même. Hein, ouais. Il y avait des trucs osés quand même là-dedans. Hein. Ouais. Comme les Gardiens de la Galaxie, quand même, d'ailleurs. Hein. Mais après, tu vois, c'était plus de la création. Et après, ils prennent la licence. Et puis, t'as le problème, c'est que les Gardiens de la Galaxie 1, c'est bien. Après, le 2, c'est moins bien. Le 2, c'est moins réussi. C'est même mauvais, quoi. Puis ils sont débiles, quoi. Ouais. Enfin bon. Ils devraient rester sur un premier, tu sais, parce qu'ils vont faire Captain Marvel et Black Panther 2 aussi. Ils ont prévu de revers. Mais est-ce qu'on va pas répéter on va pas amplifier les erreurs des précédents, tu vois. Ah ouais, ça, malheureusement, il n'y a que le temps qui nous le dira, mais ouais ça pue. Hein. Ouais, ça pue. Et là, j'ai l'impression quand même qu'après le MC, la phase 3, c'est la phase 2. La phase 3. On est pas à la phase 4 maintenant. Hein. C'est la phase 4, là. Donc, le début de la phase 4, on a des propositions qui sont pas extraordinaires. Hein. Là, on a déjà parlé de Black Widow. Il y a Doctor Strange qui va faire film d'horreur aussi normalement. Là, j'ai marqué Eternals. J'espère que ça va être aussi bien qu'Inhumaine. Non, mais c'est au cinéma, donc il y aura plus de budget. Maintenant, est-ce qu'au niveau graphique, ça va être certainement mieux. Eternals, ça s'adresse pas non plus au spectateur lambda. C'est quand même particulier comme truc. Bah, Iron Man, ça s'apportait pas au spectateur lambda, mais ils ont su... ouais, on le connaît le personnage quand même. Tu vois, ils ont su baisser le niveau pour qu'on arrive à s'identifier à Eternals. Mmh. Ça risque d'être plus compliqué. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, mais pour l'instant, de toute façon, de cette année, là, on a en licence Marvel, on a Black Widow, il y a Eternals en novembre. Bon, on va rappeler un peu le contexte. C'est encore un truc cosmique dans le style de la galaxie et de Captain Marvel. Ce sont des êtres qui ont créé des êtres génétiques qui sont supérieurs. Donc, il y a le côté extraterrestre qui va prévoir et tout. Je suis quand même curieux de savoir ce que ça va être parce que le fond m'intéresse. Puis c'est Kirby qui a écrit ça, donc je pense que ça peut être bon aussi. Il faut aussi dire que de l'autre côté, tu auras Falcon et Winter Soldier quoi, sur Disney+. C'est pas une série qu'on attend avec impatience, hein. Je suis désolé. Ça t'intéresse, toi, les aventures du Faucon et du Soldat de l'Hiver? Pas plus que ça, c'est comme WandaVision, ça m'intéresse. Ouais, c'est pas pareil. Plus que ça, mais, en plus, ça va être des séries, donc ça va être blablabla, 45 minutes et 5 minutes d'action, hein, donc je vois le coup arriver. Hein. Ouais, ouais, c'est un peu pas le problème, hein, c'est que, ouais, beaucoup de dialogue, quoi. Bon, ben, je sais pas, là, il reste quelques films en vrac, quoi. Ben, en novembre, il y a Godzilla qui va sortir, là, Godzilla vs Kong. Ben là, je suis parti pris, moi, donc. t'as pas vu un trailer, mais t'es déjà dans la mode. Ah ouais, quoi. Moi ça y est, je suis dedans. Moi je vais aller voir. Je vais réserver. Toi, t'as deux gros monstres qui se foutent sur la tronche. Que j'avais pris. Ouais, je suis toujours parti pris sur les. Une grosse claque l'année dernière avec. Quand j'ai vu King of Monsters, j'ai dit, oh, j'ai kiffé. À part ces moments chiants avec les humains, mais j'ai adoré. Tu sais que ce film est massacré, qu'il y en a beaucoup qui préfèrent le premier. Ouais, mais le premier. C'est incompréhensible, quoi. C'est incompréhensible parce qu'il se passe rien dans le premier. Ah ouais, il se passe rien. Tu le vois 10 minutes, là, le bestiau, là. Bah, ils ont fait d'ailleurs un montage sur YouTube où les scènes que avec Godzilla, ça fait même pas 10 minutes. Moi, je comprends pas. Ils aiment bien les scènes de dialogue, les trucs insipides. C'est comme je vais dire que tous les goûts sont de nature, Teddy. Tu me diras le même. Mais je comprends pas qu'on puisse en censer un film comme Shin Godzilla, tu vois. Oh la vache. La version de 2016. Alors, je suis fan des kaijus, mais qu'est-ce que je me suis fait chier. Et on s'emmerde dans ce film-là. C'était marrant en plus comme film, parce qu'à un moment, il sort des lasers d'où. Enfin, tu te dis, what the fuck. On dirait Palpatine, tu vois. Il sort des éclairs partout. C'est Palpatine. Palpatine Godzilla, tu vois. Ah, puis il mélange les effets spéciaux. T'as une dinde, tu sais quoi. Oh, c'est Godzilla, ça, c'est une dinde. Hein. Ça, c'est bien pourri. Moi, je pensais que c'était un nouveau kaiju qui arrivait. Non, c'est Godzilla. C'est Godzilla qui se reforme, apparemment, c'était ça. Bah ouais. Il est mort, donc il est en pleine croissance, le mec. Ah ouais. Et puis, c'est ridicule. Ah ouais, complètement. Et puis, t'as les scènes de bureau qui sont... Mais d'un chiantisme. J'ai trouvé ça mou. Puis tu te dis, qu'est-ce que ça vient faire ici? Mais heureusement que c'est pas sorti au cinéma, parce que moi je te jure que j'ai fait x2 hein, quand j'ai regardé ce film. Parce que c'était tellement naze. Je dis, bon, on va avancer. Puis, il se passe rien dans ce film. Godzilla, il apparaît combien de temps là-dedans? Un quart d'heure, peut-être. Non, puis, enfin, c'était pas génial. Même les moments où il apparaît, t'en prends plein vue. Hein. Ah non, pas du tout. Voilà. Ah non, il est... Non, à la rigueur, faudrait mieux regarder les anciennes versions. Style Final Wars ou la version de 2000, tu vois. C'est vrai que Final Wars, il était bien. La version de 2000 était correcte aussi, mais ouais. C'est... Tu vois, c'était pour leur marché locaux. Parce que, donc, c'est même trop long, parce que j'ai des moments quand même, il y a des films de Godzilla où ils se foutent sur la gueule pendant 20-25 minutes. En continu. Ah ouais. Et hein, tu te dis, bon, vas-y, c'est pas un manga que je suis en train de regarder. Comme l'affrontement entre Godzilla et Kong avec le mec qui est avec sa fourrure, là. Ouais, enfin, t'as quand même le mec qui est en train de remettre son masque en plein combat. Ça fait très méta, quoi. T'es en plein dans le making-of, quoi, en fait. Ah ouais, puis là, t'as King Kong qui fait bouffer un arbre à Godzilla, mais tu vois que c'est des mecs dans les costumes. Bon, 58, hein, donc ça va, ça passe. Ouais. Non, mais on peut reconnaître qu'au niveau artistique, bon, c'est un petit peu kitsch, mais c'est quand même sympa à regarder, quoi. Ah, je suis désolé, le premier est pas kitsch, hein. Ouais. L'autre, après, c'est qu'il en dit clairement. Non, il est très sombre, hein, le premier. Le producteur a dit clairement, ouais. Plus de monstres, plus de cash. Ouais. C'est tout. Mais je sais pas, il y a tous ces films qu'ils ont suivis, là, versus King Ghidorah, ou Biollante, ou Destroya, tu vois. Biollante, il était bien, ouais. il était moins dans l'action, plus dans la psychologie, il était bien. Enfin, ouais. Il était bien. Je vais me faire défoncer. Mais j'ai préféré à le Godzilla, même de Emmerich ou de Ah bah Emmerich, c'est très mauvais, moi. De toute façon, moi, je mets celui d'Emmerich dans les plus faibles, et puis celui de... celui le premier, là, tu sais, là, où il se passe rien, là. Ouais. Ce film où il se passe vraiment rien. Quoi. Je comprends pas que les mecs ils s'intéressent à ça. Je comprends qu'ils aient pas aimé le côté imbécile des êtres humains, mais le côté spectaculaire, il est là quand même. Ah ouais, là c'est t'en prends plein la vue. Puis je suis désolé, ouais. Les effets c'est des scènes dantesques. T'es quoi. Au cinéma, t'as la claque visuelle. T'as la claque. Là c'est un film à aller voir au cinéma. Regardez le pas sur votre smartphone, vous allez vous faire chier. Mais tu vois, au cinéma, t'en prends plein. À la rigueur, j'ai envie de dire, j'ai mis mon cerveau de côté parce que je voulais voir du spectacle. De toute façon, quand on l'a re-regardé, on a passé toutes les scènes avec les gens. On a zappé directement. C'est pour ça qu'on veut voir. On s'appelle Blu-ray, là. Limite, on zappe les chapitres, tu sais. quand il est marqué dialogue entre tel et tel, hop, on zappe. On zappe. Un humain, on zappe. Si tu fais un nouveau mix avec toutes les scènes de monstres, t'as facilement une heure quoi de spectacle. Ah ouais, facile. Hein. Ouais. Puis de spectacle, grand spectacle. On va pas non plus revenir sur les incohérences avec les bombes nucléaires et les souffles atomiques, mais bon. Ah bah non, mais y a pas d'incident. Hein. Il n'y a pas de conséquences sur l'humanité, pas du tout. Pas de conséquences, aucune conséquence. Bon, c'était bien marré à faire notre chronique quand même, hein, pour dénoncer tout. Parce que on est quand même un petit peu modéré. Hein. On sait faire la part des choses et dire c'est mauvais, mais il y a du bon. C'est bon, mais il y a du mauvais aussi. Hein. Ah ouais. Faut le dire aussi, quoi. Maintenant, c'est vrai que quand il faut défendre un film comme Star Wars 8 ou Ready Player One, c'est un peu moins facile pour nous. C'est tout. Bah, quand on a des trucs qui sauvent le film, c'est bien. Godzilla, il y a des scènes qui sauvent le film. Je suis désolé. Enfin, pas le premier, hein, le deuxième. Non, voilà, mais après Star Wars, on s'est emmerdé, c'est sûr. Bon, on finira que trois films là, avec une NT, parce que je sais que dans les prochains jours, là, il y aura un trailer de Morbius. Alors, ça intéresse qui ce genre de personnage? C'est un vampire, ça, non? Ouais, c'est le vampire de Spider-Man. C'est un dérivé de Spider-Man. Remarque, c'est avec Robert Pattinson. C'est avec Jared Leto. Oh bah je veux pas le voir. C'est Jared Leto qui fait Morbius avec son maquillage. Alors il va faire wesh mec, wesh. Wesh, tu touches à ma meuf. Il y a Margot Robbie qui va arriver derrière. Allez mec, ils disent là Jared Leto à l'écran, j'étais en train de défoncer. J'étais impatient de te dire que c'était Jared Leto qui jouait dans ce film. J'aurais eu ta réaction, tu vois. Bah, Jared Leto, il fait Morbius, l'espèce de professeur qui manipule un peu les fioles et puis qui attrape un virus qui lui fait devenir un vampire. C'est vrai qu'il fait fiole, Jared Leto. Mais ça intéresse pas. Ça intéresse qui, ce genre de personnage? C'est un peu comme si on faisait un film sur Raven, tu vois. Ouais, non, je vois pas. J'ai essayé de défendre, j'ai pas réussi. Tu vas défendre Morbius? Non, Raven. T'as envie d'aller le voir, ce truc-là? Oh non, c'est bon. Je vois pas ce qui a donné l'idée à Sony, donc c'est Sony qui est propriétaire de la marque Spider-Man, de faire un film sur Morbius. Alors qu'il y a des personnages, il y a des vilains de Spider-Man qui sont quand même plus iconiques. Tu vois, de faire un film sur Norman Osborn ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a, Docteur Octopus ou... Il y a tellement plein de vilains, tu vois. Déjà, il y a un film que moi, je voudrais bien qu'il fasse, c'est un film sur le Docteur Doom, parce que c'est un personnage qui est super intéressant. Sur Fatalis, il y a quelque chose à faire. Il y a plein de trucs à faire sur ce vilain. Fatalis, c'est pas, à part dans quelques BD, mais sinon, c'est pas un vilain lambda. Faut oublier les versions des 4 Fantastiques, hein, ils sont nazes. Non, mais je veux dire, dans les BD, c'est quand même... Ouais, mais je parle des films, là. Qui joue à jeu égal avec Doctor Strange à un moment en magie, quoi. Ouais. Quand il y a le combat interdimensionnel, Doom y est invité. Ouais. Et tu vois, quand en magie, il touche, mais que ça l'intéresse pas. Bah... C'est pas son but, tu vois. C'est même... Il y a l'arc de Guerre Secrète, je sais pas si tu l'as lu, celui-là. Où il devient... C'est lui qui trouve les Skrulls. Il devient l'équivalent du Bémondaire, qui est une entité cosmique surpuissante, tu vois. C'est lui qui découvre qu'il y a des Skrulls avant tout le monde. C'est lui qui est aussi à l'origine aussi de ces multivers, tu sais, là, dans Secret Wars, dans les nouveaux Secret Wars. Avec les 4 Fantastiques, lui, son but, c'est de conquérir le monde. Ouais. Mais quand tu prends dans les autres BD, son but, c'est qu'on foute la paix à la Latvérie. C'est tout. Et conquérir le monde, ça l'intéresse pas. C'est le seigneur de la Latvérie. Et une fois, ouais, c'est le seigneur de la Latvérie, Doom. Et puis, c'est tout ce qu'il veut, c'est qu'on foute la paix à son pays. Ouais. Et lui, une fois qu'il a eu tous des pouvoirs et tout, bah, ça l'intéresse plus. En fait, il a eu son jouet, il a marché, et il s'arrange pour que les gens le battent parce que ça ne l'intéresse plus, il veut passer à autre chose. Fatalis, c'est vraiment un super personnage qu'il faut exploiter, quoi. C'est pas une brute sanguinaire qui est je suis méchant. Non, ouais. Lui, il est. Il est pas méchant. C'est pas qu'il est méchant, il y a un objectif, c'est Thanos numéro 2. Il a un objectif. Il va à son objectif. Le Thanos de Infinity War, hein. Pas celui de Endgame qui va moins chier. Hein. Celui de Endgame. Ouais. C'est pas le même personnage pour moi, hein, là-dedans. Ah non, c'est pas le même. Non. Là, ils ont complètement foiré leur coup, hein, pour moi, entre les deux films. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ce personnage, mais. En fait, il fallait un super méchant, ils ont dit, on va reprendre Thanos. Ouais, mais bon. Bah, ça n'a pas marché. Doom, incontournable pour moi, de faire un film de ça. Ah, il vaut beaucoup plus que ce qu'on en a vu. Ouais. Et puis, il y a ce côté aussi que ils sont pas non plus obligés de lui montrer avec son masque et tout. Hein. Ils peuvent aussi te montrer le personnage, le monarque, tu vois. Ça peut être super intéressant aussi, hein, d'exploiter ce côté. Et puis qu'ils mettent ton masque à la fin, quoi, un truc comme ça, tu vois. Parce que Doom, on va pas se le cacher, c'est quand même un personnage qui est quand même fortement inspiré Dark Vador. Hein. La connotation est là, quoi. Fait le rapprochement. Ah si. Ça ressemble. Ouais. Le fait qu'il ait un masque, qu'il est un petit peu défiguré. Qu'il est hyper froid, calculateur. Pour moi, Doom, il est au-delà du bien et du mal. C'est tout. Il est tout le temps. C'est vraiment le personnage qui est pas caricatural, quoi. Tu vois. C'est un peu comme on parlait aussi du Silver Surfer l'autre jour. Il faudrait refaire un film aussi sur le Silver Surfer. Tu vois. Silver Surfer, c'est un personnage beaucoup plus tortueux. Ouais. Il m'attire aussi. Norrin Rad, ouais. Côté cosmique, on pourrait faire un grand film épique, tu vois. Ouais, puis il y a une quête et tout. Voilà, c'est. Le mec, il devient mauvais. Avec un Galactus digne de ce nom, on va dire. Ouais, pas une nuée d'insectes, comme tu vois. Pas une nuée cosmique, on voit rien, quoi. On a plus de sous pour les effets spéciaux. Mais t'inquiète, on a quand même acté le mec qui a fait des effets spéciaux. Ça te rappelle un petit peu, tu vois. De Spawn. Ils ont vu Spawn, alors ils ont dit, on va faire un nuage. On veut exactement ça. On va pas sortir un méchant de la PS3, on va faire un nuage. Non mais c'est ringard, quoi, ils avaient pas le budget pour faire un Galactus correct. Ouais, pas l'envie, pas le temps, ils s'en battaient les couilles, quoi. Je sais pas, ça marche pas, quoi. C'est dommage parce que le surfeur, il est pas trop mal fait, je trouve, dans le 2. Ouais, puis là, t'as le surfeur qui règle le problème, alors que normalement le surfeur, il en chie des briques. Juste pour déstabiliser Galactus. Galactus, ça serait en 2 minutes cette affaire en plus. Ouais, c'est Deus Ex Machina, c'est tout. Ouais, carrément. Mais bon, enfin. On dérive. Parce qu'on est tellement intéressé par Morbus. Le vampire. D'ailleurs, ils auraient dû prendre Pattinson pour le faire, je trouve, non? Moi, j'arrête les sources. Ça aurait coulé de source. Bah, y a aussi Venom 2 qui va arriver le mois d'octobre. Pas pressé non plus. Non plus? Bah, le 1, on avait. Je pense que c'est un bon moment. Moyennement apprécié, mais il y a beaucoup de trucs débiles, hein, faut avouer. Et puis, il y a beaucoup de trucs pratiques, hein. Bah ouais. C'était un symbiote, ça te détruit de l'intérieur, machin, que des rares personnes sont compatibles, et à la fin t'en trouves 8 d'un coup qui sont compatibles. Ah, c'est le scénario à géométrie variable, quoi, c'est ça. Ah ouais, complètement. Ouais. Et puis Tom Hardy, bon, bah, il cabotine beaucoup, hein, beaucoup de grimaces, beaucoup de gesticulations. Ouais. Bon, ce qui reste que le personnage, moi je trouvais qu'il était particulièrement bien animé, quand il se transformait et tout. Il y a même ce combat entre les deux symbiotes, moi je trouve qu'il est pas trop dégueulasse. Ça faisait pas trop bouilli comme quand il s'appelle T'Challa, quand ils se battent dans le métro du Wakanda. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Black Panther, tu vois, là, ça faisait bouilli, tu vois. Ouais, Black Panther, ouais. Ouais, Black Panther, il y avait un moment, ça te dit, qu'est-ce que c'est que cette bouillie numérique? C'est dégueulasse, quoi. Et là, dans Venom, ça faisait pas trop bouillie numérique. Par contre, le gros problème aussi, c'est la base de lancement, qui est juste à côté de la ville, quoi. Il y a pas de problème, là. Non, mais ça va. En centre-ville. Il y a des tonnes. Alors, t'as déjà vu les lancements de vaisseaux spatiaux, de navettes spatiales. Ah oui, ouais, déjà vu. Ça brasse des tonnes et des tonnes de fumée et tout. Et là, il y a rien. Il y a rien à San Francisco. Non, il y a rien. Et puis quand elle s'explose et qu'elle retombe, y a pas de... Ça va, y a pas de mort. Pas... C'est bien parce que ces films, ils sont tellement légers et tellement cons que t'arrives à trouver des argumentaires, tu vois. C'est clair. Non, mais moi, je suis pressé parce que, bon, apparemment, il y aura Carnage. Donc, j'ai bien envie de savoir ce qu'ils vont en faire de Carnage. Bon, le problème, c'est qu'il était un petit peu ridicule. Hein. Ce Carnage, là, à la fin, on voit le caméo de Woody Harrelson, justement, notre ami Woody Harrelson, qui joue le personnage de Cletus Cassidy, qui est justement le futur Carnage. Il était un petit peu ridicule. J'espère qu'il sera un petit peu plus ou moins représenté, parce que Carnage, c'est quand même un gros salopard de l'univers de Marvel, quoi. Ah, c'est un vicieux, hein. Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Donc ce personnage va falloir qu'il soit pas trop léger, quoi, on va dire. Hein. Ouais, pas un comic relief, quoi. Ouais, parce qu'ici il commence à faire des blagues ou je sais pas quoi, ouais. Pour faire plaisir aux fans. Ouais, surtout que c'est pas un blagueur, Carnage. Hein. Ça va être moche, quoi. Bah, il reste plus beaucoup là. Il y a encore Kingsman, tu sais le préquel là, dont on a déjà discuté. Moi, pas intéressé plus que ça. Non, pas plus que ça. Ouais, bah, voilà, quoi. On a pu faire le tour des nouvelles licences. Il y a pas vraiment de nouvelles licences. Il y a aussi le nouveau James Bond, mais ça, de toute façon, moi je James Bond, ça fait quand même plusieurs années que je trouve que ça se répète, que c'est on est dans la redondance. Ça va être dur, enfin c'est quand même des décennies que ça dure, James Bond. Donc, ah oui, mais pour ils se renouveler, de se renouveler, c'est compliqué. Ouais. Après, tu pars en James Bond Fast and Furious quand tu regardes. Ah, c'est complètement. C'est pas que j'ai aimé Fast and Furious, c'est juste que je trouve que c'est une bonne référence. Voilà pour notre tour d'horizon. Mais de toute façon, quand on aura des trailers de ces films, là, Eternals et tout compagnie, là, je pense qu'on fera quelques petites chroniques. Et puis, on attend aussi ce qu'on attend aussi. Il y a quelques séries qu'on attend aussi, c'est notamment Star Trek Picard qui devrait démarrer à la fin du mois. Ouais, ça, je pense pas que j'irai le regarder. Tu vas pas le regarder, Picard? Non, pas trop. T'es un fan de Star Trek? Ou t'es pas un fan de Star Trek? Ouais, justement, je suis un fan de Star Trek. Donc mais t'as pas Patrick Stewart dans le rôle de Picard? Ça m'intéresse pas, il a vieilli, et puis c'est des Borg qui vont revenir. Putain, ça. T'as vu le dernier trailer? Rien qu'au trailer, ça pue le réchauffer, quoi, c'est tout. Ah, et puis en plus, t'as le retour de Data, t'as le retour de Riker, de Dina, de. Moi, j'aime bien Star Trek. De la gonzesse là, qui joue dans Seven of Nine, là. Dans Voyageurs. C'est là-bas, celle qui était à moitié Borg, là. Oh non, je m'en rappelle plus. Je sais plus, ben bref. Il y a rien que 4 personnages qui reviennent déjà dans. Bah, tu vois, ça fait réchauffer. Ouais. Tandis que dans Discovery, ça fait. Bah, déjà, ça fait réchauffer pour certains trucs. Mais voilà, c'est un peu plus frais, quoi. Là, ça va être du salut les fans. Donc, tu vas être déçu parce que dans la saison 3, t'auras pas Tyler aussi. Ah, enfin une bonne nouvelle. T'auras George Hugh, mais t'auras pas Tyler. Ah, attends, j'espère qu'ils vont pas réussir à coller Tyler. Hein. Moi, je me casse. Bah, comment ils feraient pour aller dans le futur? Bah, ils arrivent bien à mettre Steve Trevor dans Wonder Woman 84. Ne sous-estime pas les producteurs avec d'argent. Non mais j'ai quand même du mal à croire que Tyler il fédère autant de d'enthousiasme ce personnage. Il est tellement nul, il est tellement mal écrit. Ouais, il est mal écrit, ouais. Ouais. Parce que les acteurs font ce qu'ils peuvent, mais là. Ouais, mais bon, c'est mauvais, quoi. C'est comme Michelle Yeoh, on sait que c'est une très bonne, ça peut être une très bonne actrice, mais là-dedans elle cabotine et puis voilà, quoi. Ah, puis elle change beaucoup de veste. Putain, c'est François Hollande. Mais Discovery et puis bon, pour les autres séries j'ai pas trop suivi, hein. Il y a beaucoup de séries sur Netflix, C'est super chronophage, c'est regarder quand même 13 heures de programme pour 15 minutes d'action en plus, c'est vrai. Donc, ouais, voilà. Tu peux zapper, quoi, tu peux faire x2 ou x4, quoi. Ouais. Donc du coup les séries, moi je vais avoir plus de mal. Ouais, je commence à décliner sur les séries. J'ai entendu une espèce d'anecdote qui disait que cette année il y a 30 séries qui vont être annulées. Alors là ils ont fini Game of Thrones, tu sais, mais ils vont faire un spin-off. Oh, avec le marcheur blanc, le roi de la nuit, je sais plus, je connais pas bien Game of Thrones, mais il y a un spin-off qui va se préparer, là. Puis là, il y a aussi la série de Seigneur des Anneaux qui va se faire aussi. Oh, oui. Alors, c'est encore un truc qui va se situer entre le Hobbit et la trilogie du Hobbit et la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Donc, encore un gros spin-off. Ah. Voilà, qu'on a fait le tour, et puis on n'a pas l'air très emballé pour cette année 2020, finalement. Non, mais petite année 2020. Pas grand-chose. Comme 2019, d'ailleurs, j'ai l'impression, mais bon. Ah, 2019, si, j'attendais quand même Endgame. Bah, moi, j'ai été déçu. Endgame, ouais, Godzilla. Godzilla, là, j'ai été très, très satisfait. Non, ouais. 2019, 19. Rapidement, Alito, c'était pas trop mal, quoi. Je l'ai pas, toujours pas vu. Tu l'as pas vu? Non, je crois que tu l'avais vu, celui-là. Ah, pas encore. Captain Marvel, il y avait. Ouais, Marvel, il y avait Shazam qui est sorti aussi. Hellboy, bon, c'était pas Shazam, terrible. Je me suis fait chier. Hellboy, ouais. J'ai pas vu. Ouais, Spider-Man, c'était nul. Oh ouais, Spider-Man, boah. Bon, Joker, moi j'ai bien aimé. Ah, Joker, je suis pas très Joker. Hein. J'ai le fruit, je suis plus Tropicana. Toi, t'es pas Jared Leto, toi, t'es César Romero. Et, Terminator, c'était nul à chier. J'ai vu quelques films indépendants, mais c'était vraiment mauvais. Comme les films de Stephen King. C'est toutes les adaptations qui étaient ratées, quoi. Je suis un peu étonné qu'ils pensent pas à refaire un Freddy Krueger, vu que c'est une licence qui perd, mais bon. Freddy Krueger contre Jason, contre. contre Leatherface. Oh là là. Contre. Comment il s'appelle le gars de Hellraiser, là. Moi, je sais plus. Pinhead. Ouais, Pinhead, ouais. Pinhead. Ah, tu connais. Toi, t'étais pas trop branché film d'horreur, tu connais Pinhead quand même. Ah, je connais Pinhead quand même. Ouais. C'est les icônes du film d'horreur, on va dire. Hellraiser, j'ai du mal à regarder. Ouais, quand même. Jason, qu'est-ce qu'il y a aussi Bah, Hellraiser, c'est spécial. Hein. Les chaînes et les. les boules et les machins. Et la chair qui se déchire, c'est horrible. Hein. C'est ouais. Du Clive Barker. Hein. Voilà, bah sinon, voilà. Comme tu dis, 2020, j'ai pas l'impression qu'il y a des grandes nouveautés qui se préparent. Non. Ouais, c'est tout. Hein. Non, je pense que de toute façon, comme j'ai dit, on reviendra. Si nécessaire sur certains films, peut-être que certains trailers nous plairont plus quand on verra plus d'images, mais là pour l'instant c'est pas le cas. Il y a Wonder Woman qu'on est vraiment attiré. Bon, Godzilla, t'as pas vu le trailer, mais bon, ouais, mais je suis parti pris. Franchement, à part ça, quand je vois à nouveau la liste, il y a vraiment rien qui est retenu, quoi. Et en plus, là j'ai déjà jusqu'au octobre, quoi, quasiment. Donc on aura même pas Star Wars cette année pour le cinéma, quoi. Oh, ça va nous faire souffler. Après un spécial Jar Jar Binks. Non, ah bah justement, peut-être annoncer la bonne nouvelle. Il y aura la série Cassian Andor, comme j'ai dit, donc dérivée de Rogue One, et il y aura la série Obi-Wan Kenobi qui va se mettre en tournage avec Ewan McGregor, bien sûr. Une série qui va se situer donc 8 ans après La Revanche des Sith. Avec ils sont déjà à la recherche d'un casting d'un jeune Luke, en fait, fan de service quand tu nous tiens. Ils ont annoncé il y a pas très longtemps le retour de notre ami Jar Jar Binks. Donc ça t'emballe au plus haut point, d'après ce que j'ai compris. Ah, Missa aimait beaucoup toi ça. Donc les mecs n'ont rien compris, quoi. Non, c'est ça, oui, c'est un mec qui avait envie de faire chier la prod. Hein. Ouais. Je me demande si Lucas, il est pas derrière l'affaire. Il est pas dans l'ombre, tu sais. Oh, j'ai envie de les troller. Il est pas dans l'ombre, sous la capuche de l'empereur, tu sais, un truc comme ça. Il absorbe la vie de Disney. Et puis Kathleen Kennedy, qui est dirigeante de Lucasfilm, l'a annoncé dernièrement qu'il y a Ryan Johnson qui devait s'occuper de la nouvelle trilogie, tu sais. Et il se passe que Ryan Johnson, apparemment, il veut plus s'en occuper. Et on comprend très bien, vu que lui aussi a son saut de chiasse comme Abrams. Et donc, il n'y a plus personne qui faut s'en occuper de cette nouvelle trilogie. Alors elle dit, ouais, on va faire une nouvelle trilogie, mais on va rapatrier, on va faire revenir Rey, Finn et Poe. Ben non. Toi, t'as envie de les revoir, ces personnages? On a réussi à s'en débarrasser, c'est dommage. Hein? Bah non, j'ai pas envie de les voir, c'est bon. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'était pas intéressant. Leur chemin n'était pas intéressant. On s'attache pas aux personnages. Du tout. Il y a un truc qui va pas, quoi. Le charisme n'est pas là. C'est tout, quoi. Voilà pour les dernières nouvelles. Et puis, on vous tient au courant de toutes les dernières news, de tous les derniers trolls qu'on pourra trouver. Parce que le MCU, que ce soit le MCU, Marvel, Star Wars ou le DC, il y aura toujours des news qui vont tomber. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.